Merci au Cégep de Tedford. Je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui sur une question finalement que je connais bien parce que je travaille dessus toute la journée longue en fait. Vous avez sûrement plein d'intérêts au cours de votre journée, vous voyez tout un tas de matières. Moi, je passe mes journées à travailler sur le terrorisme en fait. J'ai pas choisi ça fondamentalement au début parce que ça m'intéressait, mais c'est venu à m'intéresser au fur et à mesure de mes études jusqu'à en faire un doctorat, puis à travailler là-dessus aujourd'hui. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, je ne sais pas si on peut peut-être baisser un peu la lumière sur moi. Je ne sais pas si ça, si on voit bien. Ça c'est juste. Bon, c'est correct. Est-ce que vous voyez bien quand même le fond? Ouais. Ok. Alors, la conférence, je l'ai intitulée aujourd'hui "Terrorisme, antiterrorisme, mitéralité contemporain autour de la violence au monde du politique". Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est on parle de terrorisme très souvent, et surtout on est assailli un peu de toutes ces questions de terrorisme dans les médias. Il suffit que vous allumiez la télévision un soir en rentrant, que vous ouvriez le matin un journal, vous allez forcément croiser à un moment donné la mention terrorisme ou un épisode de terrorisme ou un article qui parle de terrorisme en fait. Donc c'est quelque chose avec lequel on est aujourd'hui assez familier et en même temps qu'on connaît très mal. C'est toute l'ambiguïté de quand on parle de terrorisme. On a l'impression que c'est un phénomène qui est omniprésent. Et encore une fois, je vous ai mis quelques exemples de choses qu'on a pu voir dans les mois récents. Les attentats à Paris avec Charlie Hebdo, les vidéos de l'État islamique, l'attaque de Martin Couture-Goulot ici au Québec. On aurait pu prendre l'attentat du côté d'Ottawa, Richard Bain, les attentats de Boston, etc., etc. Donc c'est tous des épisodes que vous connaissez, à mon avis, de nom, mais qui recouvrent une réalité extrêmement complexe et extrêmement différente, et on va essayer de rentrer un peu là-dedans aujourd'hui. Alors, quand on parle de terrorisme, on a en tête évidemment tous ces événements dont je viens de vous parler, mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'événements dont on n'a pas forcément connaissance quand on n'est pas un spécialiste et qu'on ne s'intéresse pas à ce phénomène-là au quotidien. Néanmoins, quand on parle de terrorisme, et pour vous montrer à quel point c'est un phénomène qui est quand même extrêmement présent aujourd'hui, je vous ai pris juste par exemple les premiers mois de l'année. Si on se place juste entre le mois de janvier 2015 et la fin du mois de mars 2015, on a tout un tas d'événements terroristes qui ont eu lieu de par le monde. Et c'est quand je dis de par le monde, c'est dans des lieux extrêmement différents. Il y a eu des attentats avec un groupe qui s'appelle Boko Haram, dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias, qui a fait plus de 1000 morts au Nigeria entre le 3 et le 7 janvier 2015. 1000 morts, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, 1000 morts, c'est énorme. Alors ça, c'est du côté du Nigeria. Après, on a eu les attentats du côté de Paris, avec les frères Kouachi. Localisation complètement différente. On est en Afrique, tout d'un coup on est en Europe. Attentat de Copenhague, au Danemark. Encore un fait terroriste, mais qui se passe dans un autre endroit. Ensuite, double attentat suicide, par exemple, au mois de mars 2015, du côté de Lahore, au Pakistan. On passe plus du côté de l'Asie orientale. Donc vous voyez, le terrorisme, en 2015, c'est plus que jamais, finalement, un phénomène mondial. Alors on parle souvent du terrorisme quand ça nous touche directement, quand on est touché directement. On en a beaucoup parlé après les attentats de Saint-Jean-de-Richelieu et d'Ottawa. Mais il faut penser que le terrorisme, ça arrive tous les jours, au quotidien, dans tout un tas de pays de par le monde. Alors, néanmoins, le terrorisme arrive pas de manière équivalente dans tous les États et dans toutes les régions du monde. Il y a des régions du monde qui sont beaucoup plus touchées par le terrorisme aujourd'hui que d'autres régions. Alors, je vous ai mis cette petite carte pour, en gros, essayer de situer un peu les régions qui sont aujourd'hui, en 2014, en 2015, majoritairement touchés par le terrorisme. Alors vous voyez, il y a différentes régions. Évidemment, il y a les régions qui sont touchées directement par des guerres. On parle de l'Irak, de la Syrie avec l'État islamique, dont le nom vous êtes peut-être familier. On parle aussi de ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, vous voyez ici, avec notamment la Somalie et le Kenya, qui sont deux pays qui sont énormément touchés par un groupe qu'on appelle Al-Shabaab, qui est un groupe qui a fait beaucoup d'attentats et en Somalie et du côté du Kenya. On a un troisième point chaud aujourd'hui du terrorisme qui se situe du côté de l'Afghanistan et du Pakistan. Alors là, vous êtes familier, Afghanistan-Pakistan, c'est là où finalement Al-Qaïda avait trouvé refuge avant les attentats de 2001, du 11 septembre 2001. Et c'est là où, ensuite, à partir de 2001, les États-Unis ont choisi d'aller déloger Al-Qaïda sur place et ont déclenché une guerre contre l'Afghanistan, guerre à laquelle le Canada a participé. Bon, ça reste un point chaud du terrorisme parce qu'on a beaucoup d'attentats encore qui sont perpétrés soit du côté de l'Afghanistan, soit du côté du Pakistan. Autre point chaud qu'on connaît beaucoup moins, la Colombie. La Colombie, pourquoi ? Parce qu'on a un groupe qui s'appelle les FARC, les Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes, qui est un groupe orienté, on va dire, plutôt d'extrême gauche, même s'ils ont un peu évolué dans leur idéologie et dans ce qu'ils revendiquent comme cause, mais qui existe depuis maintenant plus de 30 ans et qui continue de mener une guérilla contre le pouvoir colombien. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'attentats, on a beaucoup d'actions violentes dans cette région, qui en fait finalement un point chaud du terrorisme encore à l'heure actuelle. Dernier point, on a quelques territoires, par exemple comme le Nigeria, avec des groupes comme Boko Haram, ou les Philippines et l'Indonésie, avec des groupes comme Abu Sayyaf, qui sont des groupes, on va dire, terroristes très localisés, en fait, qui agissent principalement sur ces territoires. Il y a peu de chances que Boko Haram commette demain un attentat au Canada. C'est avant tout un groupe qui agit vraiment au niveau local dans ce territoire qu'est le Nigeria, avec les pays qui sont adjacents. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une image de c'est quoi aujourd'hui les phénomènes terroristes à l'échelle mondiale. On parle de terrorisme souvent, ça nous touche directement, encore une fois, avec les attentats d'Ottawa, de Saint-Jean-de-Richelieu. Ça nous touche aussi avec, notamment, quand on parle de tous les jeunes qui partent du côté de la Syrie actuellement, y compris les jeunes québécois. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même des endroits qui sont beaucoup plus touchés par le terrorisme que le Canada. Donc c'est à relativiser, c'est à remettre en contexte vis-à-vis de tout ça. Alors, la manière dont j'ai essayé de structurer ma conférence aujourd'hui, c'est justement revenir un peu sur ce que j'appelle des mythes et des réalités, finalement, vis-à-vis du terrorisme. On entend, encore une fois, on est très familier avec le terrorisme, parce qu'on le voit dans nos journaux, à travers la télévision, etc., etc., sans forcément toujours avoir accès à, on va dire, à des choses qui sont justes, ou à des choses qui représentent bien la réalité. Donc ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de passer en revue un certain nombre de mythes, et on va essayer de voir ensemble à quoi ça correspond réellement. Alors, premier mythe, ou première réalité, il est facile de définir ce qu'est le terrorisme. Si je vous demande ce qu'est le terrorisme, est-ce que vous seriez capable de m'en proposer une définition ? Pas forcément une définition très, très scientifique, etc., etc., mais pour vous, ce serait quoi le terrorisme ? Soyez pas timide, je mange personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir ? Ouais, des ambitions politiques, ça serait une première dimension. Quoi d'autre ? Quand vous pensez au terrorisme, à quoi vous pensez ? Et ça, moi, ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser, par exemple, à Al-Qaïda. Ça me fait penser aussi à des attentats dans le métro, par exemple. C'est tout un tas de choses. Je suppose qu'on a tout un tas de choses. Oui. C'est des groupes organisés qui organisent des actions pour revendiquer des choses. Oui. Alors, la dimension, on parlait de politique, on parle de revendication, on parle de groupes organisés. Effectivement, ça, c'est une dimension. Sauf que, par exemple, est-ce que lors des attentats d'Ottawa et même de Saint-Jean-de-Richelieu, on avait affaire à des groupes organisés? Ça, c'est plus difficile. Donc vous voyez, quand je vous pose la question, est-ce que c'est facile de définir le terrorisme, on voit que vous êtes tous capables de donner tout un tas de petits points qui sont tous justes. Vous avez tous raison sur ce que vous avez avancé. La dimension politique, la dimension d'organisation, la dimension de revendiquer des actions. Mais ce qui est plus compliqué, c'est d'essayer de se mettre d'accord sur, finalement, comment on arrive à définir le terrorisme. Alors, il y a tout un tas de raisons qui rendent la définition du terrorisme extrêmement difficile. La première raison, c'est que derrière le terme de terrorisme, il y a un fort jugement moral. Et quand je parle de jugement moral, c'est l'idée de dire que si vous traitez quelqu'un de terroriste, on s'entend qu'il y a une connotation très négative. C'est un terme, quand on l'utilise pour qualifier un groupe ou une personne, un groupe terroriste ou une personne de terroriste, on s'entend qu'on pose un gros jugement moral sur cette personne ou sur ce groupe-là, un peu comme si on le qualifiait de criminel. Ce qui fait qu'il y a des groupes et des individus qui vont revendiquer une cause politique, qui vont se faire traiter de terroristes parce qu'on veut les disqualifier, etc., etc. et qui vont dire non, moi je fais pas du terrorisme, moi je fais de la résistance, ou moi je fais de la rébellion révolutionnaire. Et vous voyez bien que le terme de terroriste, on peut pas, il est difficile à appliquer sur des groupes ou des individus qui parfois vont utiliser la violence mais refusent de se faire labelliser comme des terroristes. C'est pour ça que c'est très difficile de le définir. C'est un terme très politisé, encore une fois, comme tous les termes en isme. Si je vous traite de capitaliste ou de capitalisme, ça a une connotation politique. Donc tous les termes en isme sont souvent très politisés et ça les rend très difficilement applicables. Pourquoi c'est très difficile de définir le terrorisme ? Parce que tout simplement, tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là sont en désaccord sur qu'est-ce que c'est le terrorisme fondamentalement. Si vous prenez aujourd'hui des législations nationales, que ce soit au Canada ou dans les autres pays, et que vous les comparez, vous allez voir que personne n'est d'accord sur qu'est-ce que constitue véritablement du terrorisme. On va retrouver des éléments communs, mais on n'aura jamais une définition qui est acceptée par tout le monde du terrorisme. Parce que certains pays, par exemple, vont considérer que utiliser, par exemple, des attentats, ça n'est pas légitime, c'est interdit, et c'est la plupart des pays occidentaux. Certains autres États, par exemple comme l'Iran, vont considérer qu'on peut utiliser les attentats comme moyen de combattre l'ennemi, comme un moyen finalement de faire la guerre. Et là, ça pose un problème sur savoir comment on définit vraiment le terrorisme si on n'est pas d'accord sur le fait que les attentats, c'est du terrorisme ou c'est pas du terrorisme. Dernière dimension, qui est un peu moins importante, mais y compris des chercheurs qui s'intéressent à cette question-là, quand on travaille sur ce qu'est le terrorisme, si vous prenez un livre, par exemple, ou des articles scientifiques, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule définition du terrorisme qui est commune. Encore une fois, comme les gens qui travaillent dans les services de renseignement ou dans les milieux policiers, tout chercheur a une définition du terrorisme qui est complètement différente parfois de son voisin qui est un autre chercheur. Et ça pose un problème pour définir finalement, est-ce qu'on parle bien de la même chose quand on parle de terrorisme ? Est-ce qu'on parle exactement du même phénomène ou est-ce qu'on parle d'un phénomène complètement différent ? Alors, il y a une difficulté qui est encore plus supplémentaire, je vous disais, c'est que le terme terrorisme, il y a une connotation fortement morale et péjorative. Ce qui fait que, des fois, on a de la difficulté à comprendre comment l'appliquer. Je vous ai mis deux photos de deux personnages. Ces deux personnages, vous les connaissez peut-être. On a tout d'abord Menahem Begin, qui était le chef de l'Irgun, et je vais vous expliquer ce qu'est l'Irgun. Et de l'autre côté, Yasser Arafat, qui était chef de l'Organisation de Libération de la Palestine. Ces deux individus extrêmement connus du point de vue international, des grands dirigeants d'État. Pour Yasser Arafat, il a été le chef de l'autorité palestinienne, autrement dit, la personne qui a représenté les Palestiniens à l'échelle internationale. Et du côté de Menahem Begin, lui a été premier ministre d'Israël. Donc vous voyez, on ne parle pas de gens qui sont des gens comme ça, comme des nobody, des gens qu'on ne connaît pas. On parle vraiment de gens qui sont des leaders internationaux. Ben, ces deux personnes-là, elles ont été qualifiées, elles ont eu le prix Nobel de la paix pour tout ce qu'elles ont fait, notamment dans le conflit israélo-palestinien. Mais avant ça, ces deux personnes-là ont été qualifiées toutes les deux de terroristes. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elles ont effectivement utilisé le terrorisme. Menahem Begin, il a été chef de l'Irgun. L'Irgun, c'est une organisation qui était une organisation armée qui... en gros, existait du côté de la Palestine dans les années 40. Il faut se rappeler, la Palestine, ce qui est aujourd'hui Israël, en fait, n'existait pas avant 1948. Et à cette époque-là, c'était un territoire britannique. C'était une colonie britannique. Et on a toute une population juive à l'époque qui veut revendiquer finalement un État autonome des Britanniques. En disant, nous, on en a marre d'être sous la tutelle britannique et la colonisation britannique. On souhaite avoir un État à nous. Et ce qu'ils vont décider de faire, c'est d'organiser justement une campagne d'attentat contre les Britanniques qui sont sur place. Et le chef de cette campagne d'attentat et de ce groupe terroriste-là, ça va être Menahem Begin. Même chose du côté d'Yasser Arafat. Les Palestiniens, pareil, dans les années 50-60, vont dire « Nous, les Israéliens, nous ont comme complètement rayé de la carte alors qu'on veut un État. » Ils vont se mettre à organiser tout un tas de choses, des attentats, des actions violentes, etc., etc. Le chef de ces actions violentes, ça va être Yasser Arafat. Autrement dit, on peut être terroriste à un moment de l'histoire parce qu'on utilise la violence, et finalement, 30 ans plus tard, être prix Nobel de la paix. Ça vous montre bien que quand on utilise le terme de terrorisme, il y a tout un tas de nuances et finalement de considérations à avoir en tête. Même chose pour définir, par exemple, des actes plus proches de vous, ici, au Québec. Je suppose que vous avez tous plus ou moins une connaissance des événements, de ce qu'on appelle les événements polytechniques. Notamment parce qu'on en a reparlé cette année. Et je pense que je me suis trompé dans la date, c'est pas 1989, mais c'est 1985. Non, c'est 89 ? Ok. Les événements polytechniques, pour vous rappeler rapidement ça, c'est cette personne-là, Marc Lépine, qui est rentré à Polytechnique, à l'école polytechnique du côté de Montréal, et qui a décidé d'abattre des jeunes femmes, et qui, en gros, a quand même revendiqué son geste en disant que il avait abattu ces 14 femmes, finalement, parce qu'il était contre le féminisme et qu'il était contre le positionnement féministe qu'il y avait à l'époque au Québec. Ben, cet événement-là, quand on l'a pris dans son contexte à cette époque, on l'a qualifié plutôt de tireur fou. À aucun moment on a parlé de terrorisme. À aucun moment Marc Lépine a été qualifié de terroriste. Il a juste été qualifié de tireur fou, de criminel, etc., etc. Pourtant, quand on y pense, et je vais y revenir tout de suite après, vous me disiez, un terroriste, c'est quelqu'un qui revendique une cause politique. Si on revendique de s'opposer au féminisme, est-ce qu'on ne revendique pas déjà une cause politique ? Ça peut être une cause politique, être opposé à quelque chose, quand on est opposé à quelque chose, on revendique déjà une cause politique. Vous mentionnez l'idée d'être violent, de faire des actions violentes. Tuer 14 femmes, est-ce qu'on n'a pas là une action violente ? Autrement dit, à l'époque, les événements de Polytechnique n'ont jamais été qualifiés sous le terme ou sous le vocable de terrorisme. Pourtant, c'est intéressant de voir que cette action et cet homme-là peuvent tout à fait être qualifiés de terrorisme aux critères des définitions qu'on peut avoir du terrorisme, autrement dit, la dimension politique, la dimension violente, la dimension de revendiquer un acte au nom d'une cause politique, etc., etc. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué de faire la limite dans qu'est-ce qu'est véritablement le terrorisme. Alors néanmoins, on est obligé quand même de se mettre d'accord à minima sur c'est quoi les dimensions communes qu'on peut avoir quand on parle de terrorisme. Alors, je vous dirais, on retrouve trois dimensions qui sont quand même communes. Pour savoir si on a affaire à un acte terroriste ou pas, qu'est-ce qu'il faut regarder ? La première dimension, c'est évidemment la violence. La violence indiscriminée ou la menace d'utiliser cette violence. Autrement dit, un acte terroriste, c'est un acte qui est un acte fondamentalement violent ou qui menace d'être violent. Autrement dit, si vous prenez quelqu'un en otage, vous n'êtes pas nécessairement violent sur lui. Mais si vous menacez de le tuer, on a effectivement la menace d'utiliser une violence contre cette personne-là. Ça, c'est la première dimension. Les groupes qui utilisent la violence, bon, ils peuvent être, dans un premier temps, potentiellement qualifiés de terroristes. Le deuxième critère qui va faire qu'on va les qualifier ou pas de terroristes, c'est est-ce que ces groupes-là ont des objectifs politiques, oui ou non. Et ça, c'est la différence, par exemple, entre un groupe qui rentrait dans une banque pour voler de l'argent, juste pour s'enrichir, et un groupe qui rentrait dans une banque et qui prendrait en otage au nom, par exemple, pour revendiquer la séparation d'un territoire à un État. Là, on a une cause politique. Les gens utilisent la violence pour des objectifs politiques. Et ça, ça différencie la criminalité de droit commun, par exemple, la criminalité juste, par exemple, s'enrichir personnellement, comme le font les gangs, les groupes criminels, avec des groupes terroristes qui font des actions violentes, mais pour une cause politique. C'est ça qui les différencie fondamentalement. La dernière dimension qu'on peut avoir pour définir ce qu'est le terrorisme, c'est la dimension de peur. Autrement dit, les groupes terroristes et les acteurs terroristes, s'ils commettent des actions violentes, c'est pas pour le plaisir de commettre des actions violentes en tant que telles, c'est pas non plus directement pour atteindre les personnes. Quand les groupes terroristes, par exemple, posent une bombe dans un métro ou dans un transport en commun, ils visent pas directement les gens qui sont dans le bus. Qui vise, c'est faire passer un message. Il vise, par exemple, le métro de Montréal pour faire passer un message au gouvernement du Québec ou au gouvernement canadien. Autrement dit, il y a cette idée que le terrorisme a pour objectif d'instiller la peur, d'essayer de déstabiliser une société, de déstabiliser un État. Et ça, encore une fois, c'est ce qui distingue tous les autres phénomènes du phénomène terroriste en tant que tel. Si vous arrivez à retenir ces trois dimensions-là, vous êtes capable de penser maintenant est d'appliquer cette grille-là à tous les événements que vous pouvez voir. Est-ce qu'on a affaire à un groupe ou des acteurs qui utilisent la violence, oui ou non? Est-ce que cette violence, elle est utilisée pour des objectifs politiques, oui ou non? Si c'est pour politique, ça fait partie du terrorisme. Si c'est pour des autres objectifs, par exemple financiers, pécuniers, etc., etc., on n'est pas dans du terrorisme. Et dernière dimension, est-ce que oui ou non, l'utilisation de cette violence, elle vise à instiller la peur, à déstabiliser un État, déstabiliser une société, etc., etc. Et si vous passez, par exemple, si vous utilisez, par exemple, cette grille pour, par exemple, l'appliquer aux événements qu'on a eu à Saint-Jean-de-Richelieu, à Ottawa. Ottawa, on a eu un acte de violence, il y a un soldat qui a été tué. Le Parlement a été visé. On visait clairement, en gros, un symbole canadien. Est-ce qu'il y avait des objectifs politiques? Oui, on l'a su a posteriori. Il y a une vidéo qui a circulé de Michael Zéabibo qui revendiquait en gros son action au nom du fait que le gouvernement canadien avait été intervenu en Afghanistan, qui commençait à intervenir du côté du Canada. Donc on avait violence, on avait objectif politique. Et l'idée de distiller la peur, on l'avait aussi dans la vidéo de revendication de Michael Zéabibo, où il disait en gros son action vise finalement à essayer de faire changer d'avis le gouvernement canadien sur les interventions du côté de l'Irak. Et pour lui, le seul moyen de le faire, c'était en gros de faire peur à la société canadienne. En gros, c'était plus ou moins ça, sa dimension de revendication. Vous vouliez poser une question, ouais ? Donc pour vous, la notion de groupe est pas importante. La notion d'action collective. La notion d'action collective, elle est importante. Elle n'est pas importante pour qualifier un acte, en fait. C'est-à-dire que quand on utilise le terme de terroriste, c'est avant tout pour qualifier des actes. Et dans un deuxième temps, ça vient qualifier les individus ou les groupes qui font ces actes. Mais avant tout, ce qu'on qualifie, c'est les actes, en fait. Donc, la notion de groupe, elle est importante, après, pour savoir qui commet ces actes terroristes. Et c'est là où on parle de groupe terroriste, finalement. Mais les groupes ne sont pas terroristes en soi. Il y a comme toute une liste qui existe, par exemple, de groupes terroristes qui est publiée par le gouvernement canadien. Mais ces groupes-là sont qualifiés de terroristes parce qu'ils commettent des actes terroristes, en fait. Mais la notion de groupe en tant que tel, est-ce que, par exemple, on peut avoir un individu qui commet ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir des groupes? Oui, tout à fait aussi. Autrement dit, le terrorisme, ce n'est pas fondamentalement quelque chose qui serait forcément avec cette dimension de groupe. La preuve, on l'a avec Michael Zéabibo, on l'a avec les frères Fouachi du côté de la France, où ils étaient deux. Alors, ils avaient des ramifications dans tout un tas de groupes, qui, eux, étaient plus structurés, mais la dimension de groupe n'est pas forcément fondamentale dans la définition, en fait. Donc, vous considérez Marc Lépine comme terroriste? Oui, si vous voulez mon avis, moi, à terme, si on passe Marc Lépine dans cette grille-là, on peut le qualifier de terroriste, en fait, effectivement. Et c'est plutôt mon positionnement. Mais je vous dis... Mais je vous dis encore une fois, là, c'est une grille, c'est une définition... que je vous propose à minima. Autrement dit, vous feriez entrer ici un autre chercheur, c'est possible qu'il ne serait pas tout à fait d'accord avec les définitions que je propose du terrorisme. Et il dirait, par exemple, je pense que finalement, ce n'est pas tout à fait les objectifs politiques qui sont intéressants dans le terrorisme, c'est plutôt l'idée de violence et de peur diffuse. Et les objectifs politiques, ce n'est pas forcément nécessaire pour définir le terrorisme. Alors là, du coup, ça serait plus compliqué de savoir si on rentre Marc Lépine ou pas dedans. Est-ce qu'on peut l'inclure ou pas? C'est toute la difficulté, finalement, de la définition. Mais je ne sais pas si je vais vous voler un punch, là, pour moi, mais donc ça ouvre la porte aussi. Est-ce qu'on peut rentrer des états dans cette définition? Alors, tout à fait. C'est une excellente question. Si vous voulez, je la garde pour plus tard, votre question. Et on y revient. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à poser des questions comme ça au cours de la présentation, des clarifications. Et si vous avez des questions que je n'ai pas traitées, gardez-les dans votre poche. On les traitera à la fin de la conférence. Alors, l'idée, donc, c'est que le terrorisme, finalement, c'est beaucoup plus difficile à définir que ce qu'on pense dans le discours commun. Il y a à peu près trois situations dans lesquelles les groupes ou les acteurs vont utiliser le terrorisme comme un moyen d'action. Le terrorisme, c'est avant tout un moyen d'action. Il y a trois situations à peu près qui permettent de voir quand c'est qu'on utilise le terrorisme ou quand c'est que les groupes utilisent le terrorisme. La première situation, c'est que le terrorisme va être utilisé comme une méthode irrégulière de la guerre. Autrement dit, on a par exemple un groupe armé qui est en guerre contre un autre groupe armé ou contre un État, et il va utiliser le terrorisme, qui va aller de tout un tas d'actions, par exemple des attentats suicides, des prises d'otages, des fusillades, etc., pour mener la guerre. Exemple typique, l'État islamique aujourd'hui du côté de l'Irak et de la Syrie. L'État islamique, c'est un groupe qui est organisé, qui est en guerre contre l'État irakien d'un côté et l'État syrien de l'autre. Quand ils utilisent des attentats suicides, ils font du terrorisme, et ils font du terrorisme dans cette situation-là. Ils font du terrorisme comme une méthode de guerre, autrement dit. Faire des attentats suicides pour l'État islamique, c'est un moyen de combattre l'État irakien et l'État syrien, parce qu'en face à face, ils ne sont pas capables de le faire. Ils n'ont pas les mêmes forces. L'État islamique est beaucoup plus petit que l'État irakien et que l'État, l'État syrien. Et le terrorisme, c'est un moyen, finalement, d'essayer d'être un peu plus fort. En faisant des attentats suicides, on va être capable de tuer beaucoup de monde d'un coup. On va être capable aussi de distiller cette peur. Parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient, les attentats suicides. C'est ça qui est fourbe et qui est extrêmement anxiogène pour les États. La deuxième situation dans laquelle le terrorisme peut être utilisé ou va être utilisé par des groupes et des acteurs, c'est finalement comme une méthode parallèle à d'autres répertoires d'action politique. Alors, je m'explique un peu, répertoire d'action politique, c'est par exemple un groupe qui va revendiquer une cause politique et qui va le faire de différentes façons. Cas typique, l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, on a une problématique de sécession entre les catholiques et les protestants. Ben, on va avoir une utilisation du terrorisme comme moyen de revendiquer cette séparation aux côtés d'autres moyens d'action politique qui vont par exemple être la création de partis politiques, la création d'associations qui vont militer pour cette séparation entre les deux États en Irlande. Même chose par exemple pour le Pays Basque. Le Pays Basque, vous savez, ce territoire qui est situé en partie sur l'Espagne, en partie sur la France, qui revendique une autonomie et une forme de souveraineté. Le Pays Basque a connu des partis nationalistes, autrement dit des partis qui étaient reconnus par tous dans l'arène politique, qui revendiquaient la souveraineté du territoire au Pays Basque, et en même temps a connu aussi une organisation armée qui s'appelait l'ETA, Euskadita Askatasuna, qui était une organisation terroriste qui utilisait le terrorisme comme moyen de revendiquer la souveraineté du territoire basque. Autrement dit, le terrorisme, c'est un moyen qui va parfois être utilisé à côté d'autres moyens beaucoup plus légaux. On va utiliser des partis politiques pour revendiquer une cause, et à côté de ça, on va avoir des organisations armées clandestines qui vont utiliser le terrorisme pour revendiquer cette cause d'une autre manière. Parfois parce que les organisations, ça ne marche pas. On voit qu'en essayant de passer par le système légal, il n'y a rien qui avance. Donc on va se mettre à utiliser du terrorisme. Et dès qu'on voit que le terrorisme, par exemple, crée beaucoup trop de chicanes, et en tout cas on se fait réprimer par l'armée, ben finalement on va repasser à un mode d'action beaucoup plus légitime et commun qui est revendiqué par des partis, etc. Donc ça, c'est la deuxième situation dans laquelle on va utiliser le terrorisme. La troisième situation, c'est le terrorisme comme un instrument d'intimidation entre États ou dans le cadre de conflits importés. Ça, c'est quand les États vont financer, par exemple, des groupes terroristes pour aller se battre contre un autre État. Il y a un spécialiste dans le genre, c'est l'Iran. L'Iran a financé beaucoup de groupes terroristes, notamment le Hezbollah. Vous avez peut-être entendu parler du Hezbollah, qui est un groupe terroriste qui aujourd'hui est reconnu politiquement parce qu'il fait partie du jeu politique au Liban. Mais l'Iran a financé ce groupe-là au Liban, notamment pour combattre Israël, pour combattre le Liban, pour combattre en partie, à certains moments, la Syrie. Autrement dit, le terrorisme peut aussi être un moyen que les États utilisent pour se battre entre eux, en faisant des opérations sous couvert, etc. Donc c'est un peu les trois situations typiques qu'on retrouve dans les termes d'utilisation du terrorisme. Mythe numéro 2, le terrorisme est un phénomène, ou serait aujourd'hui un phénomène plus important et plus violent. Est-ce que, à votre avis, le terrorisme aujourd'hui, c'est plus violent que ce qu'il y avait il y a 30 ans? Est-ce que c'est plus important comme phénomène? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Plus, vous diriez, moins? Plus, ouais. Selon moi, c'est plus médiatisé qu'avant. Ouais. C'est plus médiatisé. Alors, on va voir. Alors, Ma réponse, c'est que le terrorisme n'est pas nécessairement plus important ni nécessairement plus violent. Il y a ce que j'appelle un effet rétrospectif des attentats du 11 septembre qui ont été un événement choc. Les attentats du 11 septembre, c'est véritablement... et vous êtes peut-être trop jeune pour vous en rappeler clairement, mais les attentats du 11 septembre ont vraiment marqué un tournant et ont effectivement rendu plus médiatique le terrorisme, en fait. Les images du 11 septembre, on se les est repassées en boucle, on les voit en boucle, on les a tous dans notre imaginaire collectif. Il y a cette dimension extrêmement spectaculaire et impressionnante des attentats du 11 septembre qui ont comme rendu finalement le terrorisme, et c'est avec ça que j'introduisais la conférence, comme un phénomène qui habite notre quotidien. Comme quelque chose qu'on ouvre nos journaux, on allume notre télévision, on a l'impression que le terrorisme est toujours là. Autrement dit, on a l'impression que le terrorisme est vraiment beaucoup plus important. On va voir que c'est une réponse qui a nuancé, en fait, en tant que fait. La deuxième chose, c'est que le terrorisme a aussi été rendu beaucoup plus présent par la décennie de guerre et en Afghanistan et en Irak qu'on vient de terminer quasiment. Deux guerres en Afghanistan et en Irak menées par les États-Unis, notamment, parmi lesquelles, en gros, on a eu tout un tas de phénomènes terroristes qui se sont démultipliés. Les attentats-suicides, par exemple, les images d'attentats-suicides, ça existait avant la guerre en Irak et avant la guerre en Afghanistan, mais c'est véritablement pendant ces deux guerres-là où on est devenu familier avec les attentats-suicides. Je suppose que si je vous pose la question, vous voyez tout à fait ce qu'est un attentat-suicide. C'est soit une voiture qui va être envoyée contre un building ou un bâtiment, ou c'est quelqu'un qui va se faire sauter sur un marché ou sur une place publique, etc., etc. Ça, c'est des phénomènes avec lesquels on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, qu'on est de plus en plus exposé à ce type de forme de terrorisme. Alors néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que les attentats du 11 septembre, en fait, qui sont un peu le symbole qu'on a en tête quand on parle de terrorisme, c'est quand même plutôt une exception que la règle en tant que telle. Autrement dit, quand on regarde le phénomène terroriste à travers les attentats du 11 septembre, on a l'impression que c'est comme devenu quelque chose d'absolument incroyable, important, etc., etc. Mais il faut quand même garder en tête que les attentats du 11 septembre sont quelque chose de relativement exceptionnel, et j'y reviendrai en vous montrant des chiffres plus particuliers pour comparer comment était le terrorisme il y a 30 ans et comment il est le terrorisme aujourd'hui. Quand on parle d'importance du terrorisme, c'est important de revoir ça dans une perspective historique, de revenir en arrière, de revenir très très loin en arrière. Le terrorisme, c'est pas un phénomène qui est ultra récent, c'est un phénomène qui est plus que bicentenaire. Autrement dit, ça fait plus de 200 ans qu'il y a des groupes terroristes, qu'il y a des actions terroristes, etc., etc. Et si on repart en arrière, on repart au début de l'histoire du terrorisme, on a plusieurs vagues. Les chercheurs ont appelé ça des vagues de terrorisme. Autrement dit, c'est comme des moments dans l'histoire où il y a eu une forme de terrorisme avec une cause particulière, qui a été la cause, par exemple, anarchiste, la cause anticolonialiste, nationaliste et la cause d'extrême gauche, qui ont été très actifs à un moment donné de cette histoire. La première vague, c'est la vague anarchiste qui va commencer à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et vous voyez, je vous ai mis une carte qui montre toutes les actions violentes et qui ont conduit à la mort d'individus menées par les groupes anarchistes dans la seconde moitié du 19e. Autrement dit, entre 1850 et 1900. Mais vous voyez, il y en a énormément. Il n'y en a pas juste quelques-unes, là. On parle vraiment, on est en Europe occidentale. Et vous voyez, sur une période d'à peu près 30-50 ans, tout ça, c'est par exemple des morts, des attentats, etc., etc. Et c'est pas des petits morts, encore une fois, c'est pas des petites bombes, des choses comme ça. On parle de rois, d'empereurs européens qui sont tués par des attentats à la bombe, qui sont tués par des actions des terroristes anarchistes. Autrement dit, il faut, quand on parle aujourd'hui du fait qu'on a l'impression que le terrorisme serait comme quelque chose d'extrêmement actif, extrêmement puissant, il faut se remettre en contexte qu'il y a plus d'un siècle, c'était déjà le cas. Alors, c'était pas la même forme de terrorisme. On parlait de terrorisme anarchiste à l'époque parce que c'était la cause anarchiste qui était mise en avant. Mais il y avait autant d'activités terroristes, et même beaucoup plus à l'époque, en Europe que ce qu'il y en a aujourd'hui. Et je vous montrais une carte pour comparer aujourd'hui des activités anarchistes aujourd'hui en Europe. On parle d'à peu près de choses mineures. On parle de 3, 4 ou 5 actions anarchistes qui sont des actions la plupart du temps qui ne terminent pas par des morts. Ça va être des colis suspects qui explosent contre un bâtiment la nuit, etc., etc. Donc ça n'a rien à voir en termes de morts et en termes de conséquences que cette vague anarchiste au début du XXe siècle. Pareil pour la vague anticolonialiste des années 1910 à 1960. Là, on parle d'une époque sur 40 ans où il y a eu énormément de groupes actifs à l'échelle mondiale. Il y avait tout un tas de groupes, notamment qui revendiquaient des causes nationalistes, qui revendiquaient des territoires, des souverainetés, etc., qui ont utilisé le terrorisme comme moyen d'action. Et il y en avait de partout. On avait évidemment du côté de l'Afrique, avec toute la décolonisation, des groupes qui utilisaient le terrorisme comme moyen de revendiquer leur autonomie. On n'a qu'à se placer ici au Québec avec le FLQ. Ça rentre aussi dans cette vague. Alors le FLQ était évidemment un épisode relativement mineur comparativement à d'autres groupes, mais ça rentre quand même dans cette vague où on voit qu'il y avait quand même beaucoup de terrorisme, même y compris dans les années 60-70. Dernière vague, la vague de l'extrême gauche, qui est cette vague finalement dans les années 80, et vous voyez à l'échelle mondiale, encore une fois, on a tout un tas d'activités. Ça vous permet de relativiser l'idée que aujourd'hui le terrorisme serait fondamentalement plus important que ce qu'il était par le passé. Déjà, il y a 30-40 ans, le terrorisme était un phénomène extrêmement important, extrêmement présent à l'échelle internationale. Alors, voyez, ça c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est tous les incidents de terrorisme entre 1970 jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a tous les types d'événements terroristes, on va parler d'assassinats, d'explosions à la bombe, de détournements d'avions, de prises d'otages, etc. Vous voyez que ça touche à peu près l'intégralité du monde. Il y a peu de zones qui sont épargnées par ça, peut-être effectivement l'Amérique du Nord, où il y en a beaucoup moins. La Russie ici, c'est compréhensible, il n'y a personne. Il y a objectivement personne. Donc il y a peu de chances qu'il y ait de terrorisme là où il n'y a personne. Vous voyez les zones où effectivement la Patagonie où il y a personne aussi, donc il y a peu de chances d'avoir du terrorisme. Mais vous voyez que c'est quand même un phénomène, tout ça pour vous rappeler que, encore une fois, le terrorisme, si on prend depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est un phénomène qui existait déjà et c'est un phénomène qui est quand même important et qui touche relativement beaucoup de territoires géographiques. La question de savoir est-ce qu'il est plus violent ? Est-ce qu'il est plus violent, le terrorisme, aujourd'hui que ce qu'il était il y a 30 ans ? Vous avez un schéma ici qui montre le nombre d'incidents de terrorisme dans le monde. Donc tous les incidents terroristes qu'on a dans le monde, on les cumule, on les note et on les met sur une année. Entre 1970 et 2007, vous voyez la période parmi laquelle il y a eu le plus d'incidents terrorisme, c'était la période qui se situe entre 1978 à peu près et 1999. Vous voyez, c'est cette période-là qui monte et qui redescend. Ça, c'est la période où il y a eu le plus de terrorisme cumulé dans le monde. Vous prenez la période, même y compris 2001, regardez le 11 septembre, il est ici. On est vraiment loin des pics qu'on a ici. Hein. Donc même le 11 septembre, finalement, qui était une année assez faste en termes de terrorisme, notamment avec les attentats du 11 septembre, c'est véritablement une année mineure comparativement à toutes les années précédentes dans lesquelles il y avait eu énormément de terrorisme. Donc globalement, et si on se pointe là, vous voyez, vous n'avez pas le bout de la ligne, ça c'est 2007, mais si j'avais à spéculer, il faudrait que je le refasse, mais la ligne doit à peu près être comme ça, finir ici. Autrement dit, elle reste relativement stable, elle est toujours mineure comparativement aux années 1979-1999. Donc globalement, aujourd'hui, le terrorisme, il est avant tout plus médiatisé peut-être que véritablement plus important en tant que tel. Je prends votre question tout de suite après, ou vous voulez, allez-y si vous voulez. Je finis avec ce schéma, puis je prends votre question tout de suite après. Si on prend maintenant, par exemple, là, vous voyez, c'est non plus les incidents de terrorisme, mais c'est les casualties, c'est les morts et les blessés liés à des incidents terroristes. Vous voyez, si on prend cette même période à peu près qui tourne autour de 79 jusqu'à 99, on a un nombre de morts qui est quand même relativement important ici, hein, vous voyez, des blessés aussi relativement importants. Et si on compare à la période la plus récente, c'est-à-dire 2006 et encore une fois 2007, je n'ai pas les nombres après, mais ils sont relativement à cette hauteur-là, vous voyez qu'ils sont moins importants que ceux qu'on a sur cette période-là. Alors il y a évidemment la période qui est cette période-là, qui est une période un peu spéciale entre 2000 et 2003, qui est la période non seulement des attentats du 11 septembre, qui ont fait 3000 morts d'un coup, plus gros événement terroriste en termes de morts dans l'histoire du terrorisme, la guerre en Irak aussi qui a déclenché beaucoup d'attentats suicides, etc. Donc c'est pour ça qu'on a une montée tout à coup du nombre de morts et du nombre de blessés sur 2002-2003. Mais encore une fois, si on prend le temps long, si on regarde ça sur le temps long, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, le terrorisme aujourd'hui, ici, là où on est, est relativement moins important que ce qu'on a connu dans les années 79 jusqu'à 99. Donc ça permet de relativiser, encore une fois, cette idée que le terrorisme serait comme un phénomène plus important et surtout plus violent. Vous voyez, en termes de morts et de blessés, on est relativement mineur vis-à-vis de ces années-là et de ces années-là. Je prends votre question, ouais. C'est plus par curiosité, parce que je ne sais pas d'où proviennent les données, mais est-ce qu'ils utilisaient une définition récinale à la vente? Alors, c'est les données, dans le premier cas, elles viennent, je vais revenir, hop, elles viennent de ce qu'on appelle, vous voyez, GTD ici. GTD, c'est ce qu'on appelle Global Terrorism Databases. C'est-à-dire une base de données sur le terrorisme qui a été créée à l'Université du Maryland aux États-Unis, qui récolte tous les incidents de terrorisme partout de par le monde. Alors, ils se basent sur les journaux, sur les articles de journaux qui sortent, sur les rapports de police, etc., etc. Et en gros, ils les rentrent dans leur base de données, puis ils vont expliquer un peu qui a commis cet attentat, où c'est que ça a été commis, etc., etc. La façon dont ils définissent le terrorisme est relativement similaire à ma définition, en fait. Mais il y a des variations qui font que, des fois, ils vont inclure des événements terroristes que moi, je n'aurais pas forcément inclus, ou inversement. Et c'est extrêmement limite, et cette base de données est assez critiquée par les chercheurs, justement, en disant comme elle est bien pour voir les phénomènes dans leur, de manière générale dans leur tendance, mais il faut faire attention après quand on regarde les phénomènes de plus près, parce que il y a des phénomènes, par exemple, si on allait chercher Marc Lépine, les événements de Polytechnique, voir s'ils sont dans la base de données du terrorisme, je ne sais pas fondamentalement s'ils sont répertoriés ou pas, en fait, en vertu. C'est un peu la question, parce que moi j'ai l'impression que j'ai moi avec le conflit armé entre États et plus la norme en oui. Certaines époques. C'est moins en moins cette norme-là qu'on s'aperçoit. Oui. C'est sûr que les données de long terme ne prennent pas, j'imagine qu'ils ne prennent pas en compte les actions, l'action étatique, on nécessairement un peu. Exactement. Ce qu'il faut, effectivement, ça c'est une des critiques et j'y reviendrai. Quand on parle de terrorisme, effectivement, là pour l'instant, je parle beaucoup de terrorisme du point de vue des groupes ou des individus, en fait. Et ça ne prend pas du tout en compte ce qu'on appelle le terrorisme d'État, autrement dit le terrorisme qui est fait par les États en tant que tel. Et ça, c'est une des critiques aussi qui est adressée à ce type de données-là, c'est de dire qu'il y a un changement qui est en train de se faire en termes de comment on mène la guerre, qu'est-ce qu'une guerre fondamentalement. On ne fait pas la guerre aujourd'hui qui est une guerre beaucoup plus diffuse, beaucoup plus complexe que comme on la faisait en 1900 avec deux armées bien rangées qui s'opposent en face à face. Ce qui fait que ça rentre un biais dans la façon dont on a de mesurer ces chiffres-là. Mais d'un point de vue général, ça exprime un peu les tendances en termes de est-ce qu'aujourd'hui on aura affaire à beaucoup plus d'événements terroristes que par le passé ou non. Ça, je pense que ça illustre quand même assez cette dimension-là. En gros, et c'est là où finalement, oups, on en vient, c'est que s'il n'y a pas plus de terrorisme aujourd'hui et s'il n'est pas nécessairement plus violent, il y a par contre quelque chose qui est fondamental, c'est que le terrorisme aujourd'hui se transforme. Le phénomène terroriste se transforme. On avait affaire il y a 30 ans ou 40 ans à des groupes terroristes qui étaient par exemple assez organisés, qui fonctionnaient véritablement comme des organisations assez grosses avec des gens qui aller chercher du financement pour faire vivre l'organisation, des gens qui allaient s'occuper de tout le côté opérationnel, acheter des armes, acheter des explosifs, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt vers un terrorisme plus individuel. Et si on prend tous les événements récents, que ce soit par exemple les attentats à Paris, où on a eu les frères Kouachi, les attentats de Londres, de Madrid, de Boston. Boston, on avait deux frères. On n'est plus du tout dans un groupe terroriste très organisé. On est dans un truc où ils sont à deux. Alors peut-être qu'ils ont des ramifications avec des gens du côté de la Tchétchénie, etc., etc. Mais on est dans un terrorisme qui est beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus individuel que ce qu'il était par le passé. Et ça, c'est le vrai changement. Ça veut dire qu'on n'a pas un terrorisme qui est plus violent ou plus important, mais on a un terrorisme qui est plus imprévisible. Et c'est ça qui rend, finalement, et qui inquiète beaucoup les services de sécurité aujourd'hui. Troisième mythe, je vais accélérer un peu plus. Je vous en ai prévu six, mais... Je vais accélérer un peu plus. Le terrorisme, finalement, ça serait causé par la pauvreté, par les inégalités, le manque d'éducation. C'est des fois des choses qu'on entend. On entend, finalement, si on arrivait à résoudre la pauvreté, il y aurait moins de terrorisme. Autrement dit, on pose l'idée que le terrorisme, c'est produit par la pauvreté. C'est parce que les gens sont pauvres que, finalement, ils utilisent le terrorisme ou ils vont vers le terrorisme. Alors, ce discours-là, ce qu'on appelle un discours commun sur la pauvreté, sur les inégalités, sur le manque d'éducation, ben, il y a tout un tas de chercheurs qui sont justement essayés, qui ont essayé d'aller vérifier. Est-ce que c'est vrai finalement que c'est parce que les gens sont pauvres qui s'engagent dans le terrorisme, qui vont plus facilement vers le terrorisme? Alors, il y a un livre qui est assez célèbre qui s'appelle What Makes a Terrorist, qui a été proposé par Alan Krueger, qui est un économiste, qui a justement essayé de colliger des données sur les gens qui commettaient des actions terroristes pour voir si finalement ces gens-là étaient plus pauvres que la moyenne de la population. Et ce qu'il s'est aperçu, c'est que finalement, il n'y avait aucune corrélation, autrement dit, il n'y avait aucun lien évident entre le fait que les individus étaient plus pauvres et qu'ils avaient plus tendance à s'engager dans le terrorisme. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a forcément plus de chances d'utiliser le terrorisme ou de s'engager dans le terrorisme. Il n'y a pas de lien entre la pauvreté et le terrorisme. C'est pour ça que c'est un peu une stupidité quand les chefs d'État internationaux ou les organisations internationales pensent que c'est finalement en résolvant la pauvreté dans le monde qu'on va lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas de cause à effet entre lutter contre la pauvreté dans le monde et lutter contre le terrorisme. La pauvreté peut avoir un effet indirect, et c'est là où c'est important de le préciser, peut avoir un effet indirect sur le terrorisme, mais n'a jamais d'effet direct en tant que tel. Même chose pour les niveaux d'éducation. Il y avait cette hypothèse qui circulait beaucoup, de dire mais finalement les gens qui s'engagent dans le terrorisme, c'est parce qu'ils sont manipulés. Ils sont manipulés, c'est des gens qui manquent d'éducation, etc. Donc ils sont plus vulnérables à se faire embarquer dans le terrorisme. Bah, ce qu'on remarque, et là encore une fois, il y a des études qui ont été faites, et je vais vous le montrer tout de suite après, c'est qu'on a une corrélation, ce qu'on appelle corrélation négative ou inversée, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien du tout. Et au contraire, les gens qui sont dans les organisations terroristes sont peut-être un petit peu plus éduqués même que la population en général. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Une étude qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Claude Berébi sur les terroristes en Palestine. Il est allé voir les organisations terroristes palestiniennes. Il a récolté des données sur les gens qui avaient commis des attentats suicides. Autrement dit, des gens qui étaient dans les groupes terroristes, qui avaient commis des attentats suicides, qui étaient morts. Et il est allé voir leur famille pour leur demander tout un tas d'informations sur c'était quoi le niveau de revenu de la famille, c'était quoi le niveau d'éducation de la personne, c'était quoi son background religieux, etc., etc. Et ce qu'il s'est aperçu, c'est que là, vous voyez, c'est le niveau de pauvreté entre le groupe des gens qui ont commis des attentats suicides et la population en général palestinienne. Ben, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux qui ont commis des attentats suicides dans les groupes palestiniens étaient beaucoup moins pauvres que la moyenne de la population palestinienne en général. Autrement dit, les auteurs d'attentats suicides en Palestine venaient de familles beaucoup plus riches que la population en général. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on finit finalement dans les organisations terroristes. Au contraire, c'est une corrélation inverse. C'était plutôt les plus riches dans la société palestinienne qui rentraient dans les groupes palestiniens et qui finalement finissaient comme auteurs d'attentats suicides. Même chose pour le niveau d'éducation. Niveau d'éducation de la population palestinienne en général, le blanc, c'est les gens qui ont fini leur début de secondaire. Les gris, ceux qui ont fini leur secondaire, et les noirs, ceux qui sont allés à l'université. Dans la population palestinienne, vous voyez que ceux qui sont allés à l'université, c'est relativement mineur. C'est un groupe qui est le moins important. Quand on regarde du côté des gens qui ont commis des attentats suicides, autrement dit dans les groupes palestiniens, bah, la catégorie la plus importante, vous voyez que c'est la plus grande, c'est celle la plus foncée, c'est en noir, c'est les gens qui avaient des diplômes universitaires. Autrement dit, c'est pas un manque d'éducation qui pousse les gens vers le terrorisme, au contraire. On a affaire à des gens dans les groupes terroristes, des gens qui sont extrêmement éduqués, voire plus éduqués que la moyenne de la population. Alors ça pose tout un tas de questions, mais en tout cas ça permet de détruire un peu ce discours commun qu'on a sur la pauvreté ou le manque d'éducation créerait le terrorisme. Quand on s'intéresse à savoir finalement qu'est-ce qui crée le terrorisme ou qu'est-ce qui pousse des gens à rejoindre le terrorisme. Ça c'est tout un champ de recherche et c'est ce qui m'occupe quotidiennement. Mais vous voyez, ça c'est un peu un schéma de où les chercheurs en sont arrivés sur les causes du terrorisme ou qu'est-ce qui peut produire du terrorisme. Et vous voyez, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a des causes qui vont être des causes psychologiques. Il y a des causes qui vont être des causes religieuses. il y a des causes qui vont être des causes politiques, il y a des causes qui vont avoir lieu à l'environnement familial, des causes qui sont liées à l'environnement amical, des causes qui sont liées au contexte géopolitique, etc., etc. Le terrorisme, finalement, c'est jamais créé par une seule cause ou un élément en particulier. C'est toujours une conjonction d'éléments qui vont faire qu'on va avoir à un moment donné du terrorisme qui émerge dans une société, qu'on va avoir à un moment donné du terrorisme qui est finalement choisi comme moyen d'action par les groupes. Donc, extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui cause véritablement le terrorisme. Mythe et réalité numéro 4. Aujourd'hui, le terrorisme, finalement, ça serait principalement associé à ce qu'on appelle l'islamisme radical. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autre terrorisme que le terrorisme lié à Al-Qaïda, l'État islamique, etc., etc. Alors, mythe ou réalité ? Bah, malheureusement, c'est pas totalement un mythe. Aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, le constat que les groupes terroristes sont des groupes liés à l'islamisme radical, bah, c'est plutôt un constat qui est vrai. Il suffit de regarder la carte du monde. Aujourd'hui, on a des groupes comme Al-Qaïda, on a des groupes comme l'État islamique, on a des groupes comme Boko Haram, qui se revendiquent tous de l'islamisme en tant que tel. Donc l'islamisme et les groupes islamistes restent finalement les groupes les plus actifs aujourd'hui en termes de terrorisme. Néanmoins, on oublie souvent de parler des autres formes de terrorisme qui sont eux aussi très actifs. Et on oublie souvent d'en parler alors que eux aussi, ces groupes terroristes ou ces acteurs terroristes qui se revendiquent de d'autres causes politiques, peuvent avoir des dégâts ou peuvent faire des dégâts extrêmement importants. Vous avez peut-être entendu parler d'Anders Behring Breivik, qui est cette personne-ci, là, tout à gauche, qui est en gros un terroriste norvégien qui a fait un attentat à Oslo, mais qui a surtout, finalement, tué plus de 70 personnes sur l'île du Toya, 77 jeunes qui étaient membres du parti, l'équivalent du parti libéral, en fait, du parti libéral norvégien. Il les a tués parce qu'en gros, Breivik, qui lui s'inscrit plutôt dans une logique d'extrême droite, disait qu'en gros, le parti libéral norvégien était comme finalement celui qui avait appliqué le multiculturalisme en Norvège, celui qui avait ouvert les frontières de la Norvège à tout un tas d'immigration, etc., etc. Et lui, c'est quelque chose qui lui plaisait absolument pas. Et donc, le moyen de faire pression, encore une fois, on revient à la définition du terrorisme, l'idée qu'on a l'utilisation de la violence pour une cause politique en vue de distiller la peur ou de déstabiliser une société, ben, c'est exactement ce que Breivik a fait en tuant ces 77 jeunes qui étaient membres du Parti libéral norvégien. Donc terrorisme d'extrême droite qui est extrêmement présent aussi, mais qui est extrêmement violent. On parle de 77 morts. Si demain ça arrivait au Canada, ça serait un scandale absolu. Ça serait un scandale absolu et vous en entendriez parler pendant des mois et des mois. Même chose du côté des États-Unis où les groupes d'extrême droite sont extrêmement présents et peuvent devenir aussi extrêmement violents. On a cette personne-là, Wade Michael Page. Vous voyez le drapeau qu'il a ici et finalement pas très loin du drapeau que vous avez ici, qui est le drapeau nazi, parce que Michael Wade Page finalement fait partie des groupes néo-nazis américains. Et les groupes néo-nazis américains ne sont pas seulement des groupes inoffensifs, peuvent avoir aussi une dimension extrêmement violente. Et cette personne-là est rentrée en 2012 dans un temple sikh du côté du Wisconsin et a abattu froidement 6 personnes. Son discours étant qu'il y avait beaucoup trop d'étrangers du côté des États-Unis. Donc vous voyez, encore une fois, le terrorisme islamiste, oui c'est important et oui c'est une menace qui existe, mais le terrorisme d'extrême droite existe lui aussi et se manifeste de manière régulière, pas plus loin que chez notre voisin américain, et pourrait se manifester un jour, ici y compris au Canada, ici y compris au Québec. Donc quelque chose à avoir en tête, encore une fois, quand on parle de terrorisme. Même chose pour l'extrême gauche. On parle beaucoup moins du terrorisme d'extrême gauche parce que c'est un phénomène qui est beaucoup moins présent que dans les années 70, mais il reste actif dans une certaine mesure, notamment du côté de l'Europe. On a tout un tas de groupes d'extrême gauche anarchistes du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie et du côté de la Grèce, et ils sont notamment du côté de la Grèce, pour tout un tas de raisons, ils sont particulièrement actifs. Il y a eu tout un tas de petits attentats qui n'ont pas fait de mort, mais tout un tas de petits attentats contre des ambassades, contre des entreprises, contre des figures politiques, etc., etc., qui ont eu lieu ces dernières années du côté de la Grèce. Donc, encore une fois, le terrorisme lié à l'islam radical, c'est effectivement quelque chose qui est dominant, mais on a tout un tas de phénomènes d'autres causes politiques qui sont associées au terrorisme qui restent quand même dans l'image, donc toujours à nuancer. Même chose pour des menaces, là, pour le coup, dont on n'entend absolument pas parler. Vous entendez, quand vous entendez parler de terrorisme à l'étranger, vous entendez sûrement parler de Boko Haram du côté du Nigeria, lié à l'islam radical. Vous entendez parler de l'État islamique du côté de la Syrie et de l'Irak, liés à l'islam radical. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Naxalites ? Je voudrais que vous leviez la main si vous avez déjà entendu parler des Naxalites une fois dans votre vie. Absolument pas. Pourtant, les Naxalites, vous voyez, Naxalites, c'est un groupe d'extrême gauche qui agit en Inde. Et c'est un groupe d'extrême gauche qui a fait des centaines de morts au cours des 10 dernières années. Groupe, encore une fois, terroriste d'extrême gauche en Inde, qui agit, vous voyez, ça c'est ses zones d'action, tout en rouge. Les zones extrêmement affectées par cette guérilla et par ce groupe, un peu moins affectées en orange. Et vous voyez, ça prend quasiment un tiers de l'Inde. On parle d'un pays, on parle d'un groupe qui est actif sur un tiers de l'Inde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, si on avait un groupe qui était actif sur un tiers du Canada, ça serait absolument fou, ça serait inimaginable. Un groupe actif qui fait des attentats dans toute la partie ouest du Canada. Ben, ça, c'est un groupe, par exemple, d'extrême gauche dont on n'entend absolument pas parler. Donc, la prochaine fois, et si vous voulez aller vous renseigner, tapez Naxalite dans Google, vous allez voir, vous allez tomber sur des trucs que vous n'avez jamais vus, et vous allez voir qu'il y a tout d'un coup ce groupe-là en Inde qui existe, dont personne ne parle, qui est présent et qui est actif depuis plus de 10 ans. Et il a une histoire extrêmement intéressante. Au-delà de ça, si ça vous intéresse d'aller vous... par curiosité d'aller voir ce que fait ce groupe, je vous conseille d'aller lire dessus. C'est vraiment un groupe extrêmement intéressant. Donc vous voyez, quand on parle de terrorisme, on associe ça principalement à l'islam radical, mais pensez qu'il y a tout un tas de phénomènes qui existent non seulement ici, mais aussi à l'étranger, qui ne sont pas du tout liés à l'islam radical et qui sont quand même des phénomènes de terrorisme. Mythe ou réalité numéro 5, les attentats du 11 septembre ont transformé la lutte contre le terrorisme au Canada. Ben, malheureusement, je vous dirais, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Les attentats du 11 septembre ont véritablement changé la façon dont le gouvernement canadien a choisi de lutter contre le terrorisme. Le terrorisme au Canada, ce n'est pas fondamentalement quelque chose qui a commencé ni avec les attentats, l'attentat d'Ottawa, ni même avec le 11 septembre. Le Canada connaît des phénomènes terroristes de longue date. Alors, il y a eu les événements de 70 ici avec le FLQ, mais il y a eu un événement plus particulier au Canada en termes de terrorisme, c'est les attentats d'Air India. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est extrêmement important. C'est un attentat qui a eu lieu contre un avion d'Air India. Autrement dit, des gens qui étaient partis de l'aéroport de l'aéroport de Vancouver en 1985. Et l'avion a explosé au milieu de l'Atlantique, causant finalement la mort de 329 personnes, dont 278 Canadiens. Plus gros attentat qui a touché des Canadiens de toute l'histoire du Canada. Même au 11 septembre, il y avait des Canadiens dans les deux tours. On a eu à peu près, je pense, 30 morts canadiens. Mais là, les attentats d'Air India, c'est 278 Canadiens qui sont morts, et surtout 329 morts au total. Avant les attentats du 11 septembre, c'était l'attentat le plus meurtrier de toute l'histoire. De toute l'histoire. Avant les attentats du 11 septembre. Autrement dit, le Canada avait déjà été touché directement par le terrorisme, parce que c'était des ressortissants canadiens qui étaient morts dans cet attentat. Pourtant, en 1985, quand ça s'est produit, le gouvernement canadien, à cette époque-là, n'avait pas de loi sur le terrorisme, n'avait pas de définition même du terrorisme. Quand on ouvrait le code criminel, on ne trouvait absolument rien sur le terrorisme. C'est quelque chose comme qui n'existait pas vraiment pour le Canada. On n'avait pas de moyen d'incriminer les gens devant les tribunaux ou de les emprisonner pour des affaires liées au terrorisme. Alors c'est quelque chose qui n'existait absolument pas, ni en 85, ni même dans les années après 90, toujours pas de définition du terrorisme, etc. etc. Il y avait des organisations, il y avait la GRC, effectivement, la police qui s'occupait plus ou moins de regarder s'il y avait des menaces terroristes, mais il n'y avait pas de définition en tant que telle. Ce qui va changer, ben, c'est véritablement le 11 septembre. Avec le 11 septembre, on a ce que certains auteurs appellent le 911 effect. Autrement dit, le 11 septembre va changer un peu la façon dont beaucoup d'États, y compris le Canada, vont penser le terrorisme et vont penser la lutte contre le terrorisme. Et ce que ça va changer notamment, c'est d'un point de vue législatif. À partir du 11 septembre 2001, tous les États nord-américains vont se mettre à adopter tout un tas de lois pour, un, définir ce que c'est le terrorisme, et deux, définir les moyens qui peuvent être utilisés pour lutter contre le terrorisme. À qui on va faire appel? Qu'est-ce que va avoir droit de faire la police, la GRC par exemple? Qu'est-ce que vont avoir le droit de faire les services de renseignement pour lutter contre le terrorisme, etc. etc. Tout ça, avant septembre 2001, ce n'était pas du tout défini. Ça se définit véritablement au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Aux États-Unis, on va avoir une loi qui s'appelle le Patriot Act, qui demeure assez connue, qui va complètement bouleverser les droits, les libertés individuelles. Au Canada, ça va être de moindre ampleur, mais on va quand même avoir un bouleversement majeur avec la loi C-36, en fait, qui est adopté en décembre 2001. Autrement dit, 3 mois après les attentats du 11 septembre, le Canada, qui n'avait pas de loi antiterroriste, qui n'avait pas de définition du terrorisme dans son code criminel, choisit d'adopter cette loi et choisit aussi d'adopter une définition du terrorisme que vous pouvez aujourd'hui, si vous ouvrez un code criminel, vous en avez peut-être un ici à la bibliothèque, vous pouvez aller voir et vous allez trouver la définition du terrorisme. C'est quelque chose qui n'existait pas au Canada avant le 11 septembre 2001. Donc le 11 septembre 2001 a véritablement changé la façon dont le Canada a voulu lutter contre le terrorisme. Il a aussi changé du point de vue des structures. Je passe très rapidement là-dessus, mais avant le 11 septembre 2001, on avait par exemple une agence de sécurité avec CISIS, qui est l'équivalent de, qui est l'acronyme en anglais du SRS, la GRC, et puis tout un tas d'organisations de sécurité, mais qui étaient en gros centralisées sur un conseil de sécurité et de renseignement qui était lui-même affilié au ministère de la Sécurité publique et au ministère du Canada. Mais on avait 4 agences en gros avant qui s'occupaient un petit peu du terrorisme avant 2003. Après 2003, on a eu toute une réforme et vous voyez toutes ces nouvelles agences qui sont concernées par la lutte antiterroriste. Avant, ça concernait pas du tout le ministère des Transports. Maintenant, le ministère du Transport du Canada a une organisation à l'intérieur qui s'occupe de la lutte contre le terrorisme. Même chose pour les affaires étrangères, même chose pour le ministère de la Justice, etc., etc. Autrement dit, toutes les organisations gouvernementales sont venues concernées par la lutte contre le terrorisme au Canada. On pourrait en parler beaucoup de toutes ces transformations que le 11 septembre a amenées en termes de lutte contre le terrorisme au Canada, et on en voit aujourd'hui encore les effets. Vous avez peut-être entendu parler de la loi C-51 qui est aujourd'hui débattue du côté d'Ottawa. C'est finalement la prolongation de toutes ces transformations qu'on a eues au lendemain du 11 septembre 2001. Dernier mythe et réalité, le fait que les attentats du 11 septembre 2001 ont favorisé en soi une coopération internationale qui serait meilleure finalement contre le terrorisme. L'idée que les attentats du 11 septembre ont tellement été un choc pour tous les États, et y compris bien évidemment les États-Unis, le 11 septembre ça aurait finalement facilité l'idée que tous les États sont désormais prêts à lutter contre le terrorisme en coopérant d'un point de vue international. C'est quelque chose qu'on entend de temps en temps. Malheureusement, ça demeure un mythe. Ça demeure un mythe parce que la coopération internationale en matière de terrorisme, elle a toujours été extrêmement complexe et extrêmement compliquée. Elle date pas, encore une fois, du 11 septembre 2001. Dès les années 30, par exemple, on a un attentat ici à Marseille, en France, qui va tuer le roi de Yougoslavie. Quand je vous disais que les attentats dans les années 30 étaient très violents et les attentats anarchistes, nationalistes, avait quand même un impact conséquent. Là, c'est un attentat qui va tuer quand même le roi de Yougoslavie, ce qui n'est pas rien à l'époque, c'est quand même un des plus grands leaders européens. Le fait qu'on a cet attentat-là qui arrive, qui tue le roi de Yougoslavie, et de plus, ça se fait en France, les États ont commencé à réfléchir en disant comment c'est possible, par exemple, qu'on ait un phénomène terroriste qui arrive dans notre État pour tuer quelqu'un d'un autre État. Il faut qu'on agisse de manière, en termes de coopération, pour essayer de lutter contre ce phénomène-là. Alors, ils vont essayer de mettre en place tout un tas de conventions, notamment en 1937, on a une convention qui s'appelle la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, qui va être signée par 25 États. Tout le monde est super d'accord à l'époque pour dire « Oui, il faut tous qu'on se mette ensemble pour lutter contre le terrorisme ». Tout le monde va signer la promesse au départ, mais ça va être ratifié uniquement par l'Inde. Ratifié, ça veut dire « mise en application ». Autrement dit, on a 25 États autour de la table en 1937 qui disent « Oui, on va lutter tous ensemble contre le terrorisme. » Finalement, à la fin, il n'y a que l'Inde qui signe et qui dit « Oui, on va faire quelque chose. » Pourquoi il y a un échec, finalement, de cette première tentative de coopération internationale ? C'est parce que, malheureusement, quand on parle de terrorisme, on parle beaucoup de secret défense. On parle de renseignements qui sont des renseignements sensibles. Et les États sont très réticents à partager leurs renseignements avec d'autres États. Parce que ça pourrait... les États s'imaginent que ça pourrait mettre en cause leur sécurité nationale, qu'on pourrait révéler par exemple des choses sur nos infrastructures critiques, sur la façon dont on espionne les autres États, etc., etc. Donc la coopération internationale, elle va être extrêmement difficile, y compris dès cette époque. On arrive du côté des États-Unis, on va essayer de proposer de la coopération du côté des Nations Unies, mais on va jamais arriver. On va jamais y arriver, notamment parce qu'on n'arrive pas à trouver une définition commune. Et quand je vous disais l'un des principaux problèmes liés au terrorisme, c'est qu'il n'y a pas de définition commune, c'est que les États aux Nations Unies, on a plus de 160 États aux Nations Unies, ils sont incapables de se mettre d'accord sur c'est quoi le terrorisme. Ce qui fait qu'ils vont être, ils vont jamais être capables de coopérer en tant que tels. Ils vont choisir de mettre en place tout un tas de protocoles, mais qui traitent des aspects particuliers du terrorisme. Ça ne traite jamais du terrorisme en tant que tel, ça traite toujours de trucs particuliers. Ça va traiter, par exemple, des explosifs. Ils font une coopération sur la gestion des explosifs. Comment on peut contrôler comment les explosifs se vendent dans tous les États qui sont au sein des Nations Unies. Ils vont travailler, par exemple, Unlawful Seizure of Aircraft, ils vont travailler sur les prises d'otages dans les avions, dans les années 70. Il y a une convention qui interdit le fait de recours à des prises d'otages dans les avions. Parce qu'on voyait de plus en plus émerger à cette époque des prises d'otages dans les avions. C'est un truc que les États vont dire, ok, ça c'est comme, c'est interdit. Peu importe qu'on fasse la guerre, etc., etc., on ne prend pas en otage des avions. C'est interdit d'un point de vue international. Mais ils ne vont jamais dire, on va lutter collectivement contre ce phénomène qu'est le terrorisme. Ils vont juste dire, non, on lutte contre les prises d'otages dans les avions. Encore une fois, parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur une définition commune du terrorisme. Ce qu'on voit finalement, c'est que les attentats du 11 septembre, ils vont représenter un tournant. Encore une fois, je vous l'ai dit, ça représente un tournant dans la manière dont le Canada a pensé sa lutte contre le terrorisme. Mais malgré le fait que ça représente un choc pour tous les États qui sont plus ou moins concernés, on ne va toujours pas arriver à une définition commune du terrorisme au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça montre bien que malgré le choc des attentats du 11 septembre, il y a une incapacité des États à se mettre d'accord sur c'est quoi le terrorisme ? Comment on arrive à le définir tous de la même manière pour lutter contre ce phénomène ? Alors, il y a une stratégie qui va être adoptée en 2006, etc., etc. Mais finalement, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que malgré les attentats du 11 septembre, la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, elle demeure relativement malaisée ou difficile. Et la plupart des États, finalement, choisissent de lutter contre le terrorisme par ce qu'on appelle des partenariats bilatéraux. Autrement dit, par exemple, le Canada va lutter contre le terrorisme avec les États-Unis en partageant de l'information, en partageant des données, etc., etc., mais ne va pas vouloir s'engager dans le partage de données avec l'intégralité des pays de l'ONU, par exemple, parce qu'ils ne font pas confiance à tout un tas d'États, par exemple l'Iran, etc., etc. Il y a tout un tas de dimensions géopolitiques qui est aussi extrêmement importante. Ce qui fait qu'on a plutôt la lutte contre le terrorisme qui se fait entre deux États ou entre plusieurs États qui ont une confiance mutuelle. Et là, c'est par exemple ce qu'on appelle les Five Eyes. Si vous avez juste à retenir un terme, retenez celui-ci, les Five Eyes, les cinq yeux, qui sont un partenariat finalement dans la lutte contre le terrorisme et pour le partage du renseignement entre le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour la bonne et simple raison que ces cinq pays se font confiance. Ils sont confiants parce qu'ils ont l'impression qu'ils viennent d'une même histoire, d'un même système politique, etc., etc., qui leur permet d'échanger plus facilement des données confidentielles, chose que, par exemple, le Canada ne fait pas avec la France ou même d'autres États européens comme l'Allemagne. Donc vous voyez que la coopération internationale, même si tous les États sont d'accord pour dire que le terrorisme est un phénomène contre lequel ils doivent lutter, en tant que tel, d'un point de vue plus pratique, ils sont beaucoup plus réticents à partager des données, à se mettre dans une forme de coopération internationale. Donc, je finis ici, c'était pour vous présenter un peu ces 5-6 mythes qu'on trouve autour du terrorisme. Il y en a beaucoup d'autres et on pourra en aborder beaucoup d'autres. Mais je vous laisse intervenir sur des questions, soit sur l'exposé, soit sur des questions que je n'ai peut-être pas abordées dans le cadre de ce que je vous ai présenté, mais qui vous intéresse du point de vue du terrorisme. Merci à vous tous. Services qui rendent vraiment, je pense, ça favorise justement ce lien-là. c'est exactement, c'est une très bonne remarque, une très bonne question. Quand je parlais justement de lien indirect, en fait, c'est exactement à ça que je faisais référence. Autrement dit, la pauvreté, c'est pas ça qui va vous causer du jour au lendemain à vous engager dans le terrorisme. C'est pas parce que vous êtes pauvre, encore une fois, que vous allez vous engager dans des groupes terroristes, etc. Par contre, la pauvreté peut effectivement être utilisée par des groupes qui vont être capables de vous offrir tout un tas de services. On en parlait effectivement beaucoup du côté du Moyen-Orient avec le Hezbollah ou les groupes palestiniens, qui vont vous offrir par exemple une couverture santé en vous disant si tu fais partie de mon groupe, ta famille et toi, ben, vous allez pouvoir bénéficier d'un accès à des médecins. Ou si tu rejoins mon groupe, je vais te donner un salaire pour toi aussi et ainsi pour toute ta famille. Ben, si vous êtes pauvre, on s'entend qu'il y a plus de chances que vous acceptiez en tant que tel ce financement ou cette aide. Et il y a plus de chances, encore une fois, qu'après, une fois que vous avez accepté ça, bah, l'organisation qui vous a donné l'argent vous dise bah, maintenant, ça serait bien que tu participes à nos actions. Ça serait bien que tu participes à soit à déposer une bombe, soit à faire un attentat suicide, soit juste peut-être aller chercher du financement, à recruter des gens, etc. etc. Donc ce lien-là, effectivement, c'est plus un lien comme ça qu'il faut voir en termes de pauvreté. C'est pas un lien direct. C'est un lien plutôt indirect en tant que tel. Mais encore une fois, il est valable pour une certaine portion des groupes terroristes. Souvent, c'est le cas de ce qu'on appelle des soldats de base. Hein. Comme dans toute organisation, il y a des petites mains. Quoi. Et les petites mains, bah, malheureusement, le plus souvent, dans toutes les organisations, elles sont plutôt issues des groupes populaires. Et c'est aussi le cas dans les groupes terroristes. Si vous prenez par contre les têtes pensantes, ceux qui pensent à la tête des groupes terroristes, qui sont les idéologues, qui sont les gens qui organisent, c'est rarement des gens qui viennent de milieux pauvres ou populaires. Exemple numéro 1, plus grosse organisation terroriste des 20 dernières années, Al-Qaïda. Oussama Ben Laden, il est fils de milliardaire. Pas millionnaire, milliardaire. Ben Laden, si vous allez en Arabie Saoudite, vous allez voir Ben Laden en sortant de l'aéroport. Il y a des grosses pancartes Ben Laden sur les autoroutes, sur l'aéroport. Vous allez à la Mecque, des grosses pancartes Ben Laden. Ben Laden, c'est l'équivalent de SNC-Lavalin ici. C'est la plus grosse entreprise de BTP d'Arabie Saoudite. Le père d'Oussama Ben Laden a fondé cette entreprise de BTP en Arabie Saoudite. Il est devenu millionnaire, milliardaire aujourd'hui. Et Oussama Ben Laden est né dans cette famille-là. Donc c'est pour vous relativiser l'idée que tous les terroristes sont pauvres. Non, la plupart du temps, les idéologues même sont issus de milieux très favorisés. Et Ben Laden est l'exemple particulier de ce milieu extrêmement favorisé. Autre exemple, il y a eu une tentative d'attentat sur un avion qui faisait la ligne Amsterdam-Détroit au mois de décembre 2012 pour Noël. C'est un jeune qui d'origine britannique, d'origine nigériane mais citoyen britannique, qui a tenté de se faire exploser sur cet avion là cet individu là il faisait des études dans une des universités de Londres les plus réputées. Son père était un des riches banquiers du Nigeria. Donc une enfance relativement favorisée voire privilégiée, n'empêche que cette personne là avait rejoint Al-Qaïda et avait choisi d'agir au nom d'Al-Qaïda. Donc c'est pour vous relativiser l'idée que forcément il y a un lien entre pauvreté et terrorisme. Dans certains cas, et je pense que c'est un très bon exemple, les groupes peuvent utiliser un peu le prétexte de la pauvreté pour recruter tout un tas de petits bras et de petites mains pour faire le sale boulot. Mais il y a tout un tas de gens dans les groupes terroristes qui sont issus de milieux privilégiés, voire même très privilégiés. On a par exemple, en termes d'éducation, on a une étude qui a été faite qui a montré qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des diplômes d'ingénieurs. Les 10 gens qui font des diplômes d'ingénieur, ce n'est pas forcément des gens qui sont forcément riches, mais c'est des gens qui ont un niveau d'éducation élevé par rapport au reste de la société. Donc ça relativise un peu ce lien en tant que tel. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et je crois est-ce qu'il y avait une question au fond, ouais. Oui. Je prendrai la lettre. Merci beaucoup. Pour la conférence, c'est très intéressant. Juste une question de curiosité. L'attentat de Agrindia, le 1985, qui l'a revendiqué, quel compte c'est? C'était extrêmement complexe en fait, mais ça visait, encore une fois, dans le terrorisme, il y a toujours des symboles, puis c'est comme quand on arrive sur une scène de crime, le symbole qui a été visé dit beaucoup sur qui a commis l'attentat. Là, on visait un vol d'Air India. On savait qu'il y allait avoir beaucoup de ressortissants qui étaient soit des citoyens britanniques d'origine indienne, soit des gens qui étaient des Indiens en tant que tels. Et en fait, l'attentat d'Air India a été commis par des extrémistes sikhs. Sikh qui est comme une religion en Inde qui était développée, on en a ici aussi une grosse communauté ici, Sikh aussi au Canada. Et parmi cette communauté sikh, on a une partie d'extrémistes, en fait, qui existe beaucoup moins aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus active à l'époque, qui revendiquait, encore une fois, la même chose, c'est-à-dire une souveraineté sur un territoire sikh du côté de l'Inde, en fait. Et ils ont trouvé que c'était un bon moyen de faire passer leur message, encore une fois, que de cibler directement un symbole du pouvoir indien, autrement dit, cette compagnie aérienne qui était Air India, en fait. Le fait est qu'ils savaient en plus qu'il allait avoir beaucoup de ressortissants canadiens, c'est un avion qui partait de Vancouver, etc. Donc ça allait avoir un écho formidable d'un point de vue médiatique. Et on parlait des médias au tout début, le terrorisme n'existe pas sans les médias. C'est parce que les médias parlent des événements terroristes que les groupes terroristes continuent à l'utiliser. Si on coupait du jour au lendemain, si on ne parlait plus jamais des attentats, qu'on n'en était pas au courant, ça n'aurait aucun effet. Il y aurait peut-être un attentat dans une bombe dans le métro à Paris, personne n'entendrait parler, bon. Ben, les groupes terroristes n'en referaient pas d'autres, parce qu'ils sauraient que ça n'a aucun écho médiatique. Et donc, pour répondre brièvement à ça, c'est des extrémistes sikhs, en fait. Et il y a eu toute une commission d'enquête, ensuite, qui a été développée par le Canada plus récemment, notamment parce que les familles, en fait, qui ont été victimes de cet attentat d'Air India, ont longtemps voulu au gouvernement canadien d'avoir mal fait son travail en termes de prévention du terrorisme. Autrement dit, le gouvernement canadien était au courant de tout un tas d'actions qui se préparaient sur le territoire canadien, et on a considéré que le gouvernement canadien n'avait pas fait assez pour arrêter cette menace-là. Donc il y a eu tout un tas de scandales, il y a eu une commission d'enquête qui s'est créée, et ça a donné lieu à, aujourd'hui, si vous allez du côté de Montréal, il y en a, je pense, un à Montréal, un à Vancouver, un à Toronto, on a quand même mis en place des sépultures, des monuments symboliques pour les victimes de l'attentat d'Air India. Ça a ouvert aussi un fonds au niveau fédéral pour la recherche justement sur le terrorisme et ces choses-là. Donc c'est un impact quand même, ça a été un des éléments vraiment qu'on connaît très peu au Canada, mais c'est un événement majeur en termes de terrorisme au Canada, peut-être avec les événements de 70 qu'on connaît plus ici au Québec, mais Air India est vraiment, dans le Canada anglophone, est vraiment, si vous demandez un événement terroriste en particulier, les gens vont normalement vous répondre Air India en tant que tel. Je pense qu'il y avait une question ici. Ouais. Ma question est peut-être un peu brouillante. Mais c'est pas grave, il n'y a que des bonnes questions, il n'y a jamais de mauvaises questions. Mais tantôt, Vivi m'en parlait, puis on a parlé aussi que justement le terrorisme était beaucoup plus médiatisé, puis que ça créait entre autres beaucoup de peur. Puis je me demandais si justement il n'y aurait pas. Est-ce qu'il y en a une, probablement, puis en tout cas, ce genre de stratégie ou d'agenda finalement. Est-ce que les médias créent de la peur, en fait? Est-ce puis, que... puis derrière ça, est-ce que ça permet pas justement de légitimer des lois comme la loi 51 qui apporte extrêmement de contrôle puis qui touche, oui, le terrorisme, mais aussi d'autres organisations? C'est une bonne question parce que, effectivement, je vous disais, le terrorisme n'existe pas sans les médias, en fait. Donc c'est les médias qui leur donnent en partie l'écho. Il y a deux choses. C'est que, un, à mon avis, les médias font leur travail de médias quand ils reportent des événements terroristes. Ils n'ont pas le choix de les reporter. C'est quand même des choses graves et quoi qu'on en dise, il faut qu'ils les rapportent. Ça fait partie de l'information. S'il y a une guerre, on reporte ce qui se passe à la guerre. S'il y a un attentat terroriste, on reporte ce qu'il y a un attentat terroriste. Là où c'est plus ambigu, c'est que le terrorisme est justement un phénomène très spectaculaire. Et les médias cherchent toujours du spectaculaire. C'est leur fondement, ils ont besoin de vendre du papier pour les journaux, ils ont besoin d'attirer de l'audience pour les télévisions. Et c'est pas jeter une pierre aux journalistes quand je dis ça, c'est juste que c'est la façon dont c'est organisé. Ils savent qu'en ouvrant le téléjournal, par exemple, sur un attentat terroriste, ils vont avoir bien plus d'écoute et d'audience que s'ils ouvrent l'attentat sur une loi qui est passée au Parlement à Québec, une loi lambda, etc. Donc vous voyez bien, c'est aussi une contrainte que les médias ont de reporter des trucs qui sont plus spectaculaires. Ce qui fait qu'il y a un effet d'entraînement. Plus il y a des événements terroristes, plus ils sont reportés par les médias. Parce qu'ils savent que ça va leur donner une audience, ça va leur donner de l'importance, ça va leur permettre de vendre de la publicité ensuite, etc. Est-ce qu'il y a une manipulation de la part des médias? Je dirais que non, à mon sens. Tout est relatif, mais en tout cas, moi, pour les médias, la façon dont je le vois, c'est plutôt que les médias sont un peu pris dans cette obligation de reporter le terrorisme et ça fait bien leur affaire. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ensuite, est-ce qu'il y a une instrumentalisation de cette menace-là par le pouvoir politique à l'heure actuelle, le gouvernement conservateur? Tout à fait. Tout à fait dans la mesure où Le gouvernement conservateur, c'est, et il n'y a pas, c'est pas une question de conservateur ou libéral, mais actuellement c'est le gouvernement conservateur qui est à la tête du Canada. Le gouvernement conservateur, comme par exemple sur le terrorisme, comme par exemple sur la délinquance, sait que c'est des phénomènes qui font peur au public. Les gens ont peur de la délinquance en général. Les gens ont peur de se faire voler, les gens ont peur de se faire tuer, etc. Ce qui est parfois complètement irrationnel, parce que les taux de délinquance sont vraiment faibles ici au Canada. Il y a peu de chances de se faire tuer, il y a peu de chances de se faire voler, etc. Comme il y a très peu de chances que demain vous soyez touché par un attentat terroriste. Mais néanmoins, le gouvernement sait qu'en annonçant des mesures, qu'en parlant du fait qu'il fait quelque chose sur le terrorisme, bah, il s'assure une forme de légitimité. Il s'assure comme le fait qu'il va rassurer tout le monde. Ça, ça paraît bien aux yeux du grand public. Donc c'est plus dans cette dimension-là que le gouvernement conservateur aujourd'hui manipule un peu la question du terrorisme. C'est qu'il se présente finalement comme le grand sauveur qui va tous nous sauver des menaces terroristes. Alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup à craindre. Il y a au quotidien, je peux vous rassurer, il y a la GRC et le service de renseignement qui font du travail quotidien et qui empêchent tout un tas d'attentats. Il y aurait, je ne veux pas vous faire peur, mais sur les 5-6 dernières années, il y aurait pu avoir au Canada au moins 6 ou 7 attentats majeurs. Ils ont tous été empêchés par le travail de la GRC et du SLS. On ne l'a jamais su, tant mieux. Ces gens-là font leur travail dans l'ombre, en fait. Ce que fait le gouvernement conservateur, c'est peut-être agiter un peu la peur qu'on a tous de ce phénomène-là, en fait. Et ça, c'est plus grave, à mon avis, et c'est surtout plus manichéen, et surtout, ça ne permet pas de discuter ce phénomène-là de manière sereine. Toute la loi, par exemple, le débat aujourd'hui sur la loi C-51, que vous avez peut-être vu passer sur le renforcement de tous les pouvoirs de renseignement, etc., c'est une loi qu'on peut discuter d'un point de vue serein. On pourrait tout à fait discuter, est-ce qu'on a besoin de plus de lois, etc. Mais si vous allez voir beaucoup de policiers, si vous allez voir beaucoup de gens qui travaillent dans les renseignements, moi j'ai beaucoup de contacts avec ces gens-là, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont vous dire on n'a pas besoin d'une nouvelle loi. On a tous les outils pour faire notre travail actuellement. Cette loi, elle est complètement inutile. On n'a absolument pas besoin d'avoir un nouveau truc. Et c'est là où on tombe dans la manipulation politique, à mon avis. C'est dans cette dimension-là. C'est quand même inquiétant parce que ça touche la vie privée, ça touche... Tout à fait, deviennent des terroristes, pratiquement. Ça, tout à fait, ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais la lutte terroriste au Canada, elle a changé sur la définition, sur la mise en place d'une loi terroriste, mais elle a changé aussi sur les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire au nom de la lutte contre le terrorisme, en fait? On peut écouter vos écoutes téléphoniques, on peut écouter votre trafic Internet. Alors, il y a tout un tas de balises, on peut pas le faire de manière complètement autonome, mais c'est des choses qui... Ah, je pense que le gouvernement conservateur vient de nous couper l'électricité. Mais effectivement, ça pose tout un tas de questions, notamment sur les moyens techniques. Il y a tout un tas aujourd'hui, par exemple, on utilise beaucoup les moyens informatiques pour surveiller vos conversations, par exemple, sur Twitter, et suivant les mots que vous allez tweeter, ben, ça va comme sonner une petite sonnette d'alarme du côté du SRS avec, si vous avez dit « bombe », plus aéroport, plus engrais chimiques, ping, ça part directement au SRS. Et là, on va dire, on pourrait commencer une enquête sur vous. Donc, il y a vraiment toute cette question de la liberté individuelle, du droit à la vie privée aussi, qui est extrêmement importante et qui effectivement, est un sujet de controverse beaucoup actuellement. C'est pas moi qui contrôle l'horaire, donc... T'avais les livres en premier, on parle. Effectivement, c'est qu'on ne peut pas sécuriser l'intégralité des bâtiments, l'intégralité des personnes qui sont menacées. Parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, c'était effectivement annoncé, mais les groupes terroristes en général annoncent souvent à l'avance c'est quoi leur cible, c'est quoi, contre qui ils en ont. Et par exemple, on avait des groupes terroristes du côté, par exemple, des Pays Basques, l'ETA, qui était très actif, qui disait, nous, nos ennemis numéro un, c'est les militaires, c'est le pouvoir politique, c'est les journalistes. Notamment les journalistes qui s'opposent à la souveraineté du Pays Basque, etc. Et donc tous les journalistes qui étaient comme opposés à l'ETA, opposés au nationalisme basque, se savaient menacés. Et ils avaient une protection policière, etc. N'empêche que l'ETA a réussi à en assassiner une bonne dizaine d'entre eux. En fait. Autrement dit, il y a toujours des fuites, il y a toujours des opportunités qui existent. Et je pense que dans le cas de Charlie Hebdo, c'est une mauvaise évaluation des services de sécurité français qui connaissaient la menace, mais qui ne l'ont peut-être pas pris assez au sérieux, en tout cas. Il y avait un policier avec Charles, il y avait un policier devant les locaux de Charlie Hebdo, donc il y avait quand même de la sécurité, etc. Le défaut a plutôt été dans le suivi des individus qui étaient les frères Kouachi. Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à les suivre de manière plus précise? Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à détecter leur plan avant qu'ils passent à l'action? Mais là, on rentre dans un autre débat qui est là, un tout autre débat qui est, est-ce qu'aujourd'hui les services de renseignement, là on parlait beaucoup de la loi et beaucoup du discours politique, aujourd'hui il y a un problème dans les services de renseignement et dans les services policiers, c'est qu'ils sont en sous-effectif. Autrement dit, les gouvernements, et je jette la pierre au gouvernement conservateur, mais je la jette aussi au gouvernement français, au gouvernement britannique, les gouvernements britanniques, français, canadiens ont tendance à beaucoup parler de sécurité, beaucoup de parler de loi, etc. Les policiers ont peu de moyens, ils sont peu nombreux. Il faudrait quasiment le double de policiers aujourd'hui pour faire des enquêtes sur ces individus-là, pour faire des enquêtes de sécurité sur « Ok, on a détecté une menace, est-ce qu'on est capable de faire une filature, de recueillir de l'information pour savoir si ces individus-là sont dangereux ou pas ?» Pour faire une enquête sur deux individus, ça prend 25 personnes. Donc vous voyez que si vous en avez 100 à l'échelle du Canada, vous multipliez 100 par 25, vous voyez combien il faut de policiers. Ben, je vous assure que dans la GRC, il n'y a pas ce nombre de policiers-là actuellement qui travaillent sur le terrorisme. Il y en a peut-être une soixantaine à peu près, mais on manque cruellement d'effectifs, et c'est le cas du Canada, mais c'est le cas des autres pays en tant que tel. En fait. Donc plutôt que de parler de créer des lois, de créer tout un tas de choses, il y a tout un travail peut-être de formation à former des nouveaux policiers qui sont capables de gérer ces problématiques-là. En fait. Est-ce qu'on a le temps encore? Oh, ben, dans le fond, peut-être juste... Je comprends qu'il y en a qui veulent faire quelque chose. Toi, t'as encore le temps, moi, genre. Moi, j'ai le temps. Peut-être juste, il y en a chez qui restent par sentiment d'obligation en ce moment. Donc, ceux qui. Le local, on va encore jusqu'à 2 heures. Donc, ceux qui restent par sentiment d'obligation, je vous prendrais peut-être 3 minutes pour sortir. Dans le fond, à partir de maintenant, je vais pas. Tout le monde peut sortir à ce moment-là. Puis les autres, peut-être juste, je vais inviter à vous approcher pour recommencer une discussion en groupe perdu sur la. C'était plus important d'avoir l'audio. Mais oui, avoir l'audio, ça va être une heure et demie. Ouais. Mais dans le fond, est-ce que vous considérez que les actes de piraterie en Somalie et tout ça, c'est des actes terroristes? Parce que souvent, on les intègre dans la lutte contre les terroristes, mais des fois, ils ont des buts juste d'avoir de l'argent. Ben justement, c'est une bonne question en fait. Puis c'est là où la définition du terrorisme va être parfois plus flexible et un peu étendue. Mais si vous appliquez les trois éléments que je vous ai donnés, c'est comme, est-ce qu'on a affaire à des actes violents? Oui. On peut dire oui, effectivement, prendre en otage un équipage, prendre en otage un bateau, c'est quand même violent, là, peu importe le degré. Est-ce qu'on a l'idée d'un objectif politique? Ben, c'est là où déjà c'est plus compliqué. Si c'est juste prendre en otage un bateau pour demander une rançon et partir avec l'argent, ça ne correspond pas vraiment à du terrorisme. Imaginons que quand même les pirates, ils demandent de l'argent pour financer un groupe terroriste. Est-ce qu'il y a la dimension de créer de la peur avec cette action-là ? Est-ce que c'est vraiment de la peur qu'ils veulent créer ? Pas vraiment, ils veulent juste l'argent du bateau ou des récompenses, en fait. Donc c'est des actes plutôt qui vont servir des groupes terroristes, mais moi je ne les qualifie pas d'actes terroristes en tant que tels, parce qu'on n'a pas les trois composantes de ce que je vous donnais au début. Mais encore une fois, le concept de terrorisme est tellement flexible et défini de manière différente que si vous aviez posé la question à quelqu'un d'autre, il y a de grandes chances qu'il réponde la même chose que moi, mais il y a certains chercheurs et certains individus dans les organisations gouvernementales qui seraient capables de dire oui, les pirates somaliens, c'est des terroristes. Et on l'inclut beaucoup dans la lutte contre le terrorisme en disant finalement, lutter contre le terrorisme en Somalie, c'est lutter aussi contre la piraterie, etc. etc. Donc c'est quand même une question assez complexe. Merci. C'est un peu dans le même sens, là, mais les groupes radicaux africains, là, tu m'entends, ils veulent prendre le pouvoir politique. C'est du compté comme du terrorisme, souvent dans les études, tout ça, ou ben, c'est une catégorie à part? Ça dépend à quoi vous pensez comme. Ben là, j'ai pas de nom précis, là, mais je veux dire, tu sais, il y a beaucoup de pays africains qui ont eu des problèmes comme ça, il y a eu des différents deux groupes ouais. côté, puis là, il y en a un qui prend le pouvoir. Ça dépend encore une fois de quand on utilise le terme de terroriste, je vous ai dit au début, il faut quand même plutôt l'appliquer à des actes d'abord, plutôt qu'à des groupes en fait. Donc est-ce que ces groupes-là utilisent par exemple des attentats ou des prises d'otages ou des choses comme ça pour instiller la peur, pour essayer de déstabiliser la société et prendre le pouvoir? Si on prend par exemple un groupe comme Boko Haram, on entend un peu parler, qui est du côté du Nigeria, eux font des prises d'otages, font... des attentats, des attaques armées, etc., etc. pour véritablement, oui, déstabiliser la société nigériane et leur objectif, c'est véritablement de s'imposer comme groupe et de prendre le pouvoir à un moment donné. Est-ce que si on a affaire à, par exemple, un groupe en Afrique qui finalement ferait juste des actions pour se battre contre l'armée, mais qui viserait jamais les civils, qui ferait jamais de prise d'otages, etc., etc., on pourrait le qualifier de groupe terroriste? Non. On le qualifierait plutôt de groupe insurgé, en fait. Il fait de l'insurrection, ou de la guérilla, ce qui est comme une autre nuance que le terrorisme, en fait. Alors, je sais qu'on est dans des trucs vraiment, dans des trucs très fins, mais il y a quand même des différences entre faire de la guérilla et de l'insurrection, puis faire du terrorisme de l'autre côté, en fait. Mais là, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est totalement étanche, c'est comme des définitions archétypales, ce que je vous dis, c'est comme des belles définitions. Après, quand on passe sur le terrain, un groupe peut faire l'insurrection à un moment donné, puis faire du terrorisme après. Inversement, puis revenir à l'insurrection. Il peut faire aussi en partie de l'insurrection et commettre des actes terroristes. Il faut le penser, il faut pas le penser en termes binaires, en fait, terrorisme ou pas terrorisme. Il faut penser le terrorisme comme quelque chose qui existe dans tout un tas de sous-catégories et de sous-groupes. En tant que tel. Le terrorisme, pensez avant tout, c'est un moyen d'action. On n'est pas un acteur ou un groupe terroriste, on fait du terrorisme. C'est un moyen d'action, et c'est parce qu'on utilise ce moyen d'action-là qu'on est qualifié ensuite de terrorisme. De terrorisme. Mais ma question est en lien avec ça. Je trouve ça bien que ce que vous dites, mais moi j'ai l'impression, puis sans commentaire, il n'y a pas de point d'interrogation. Non, là, à la fin, discuter. Mais j'ai l'impression, moi, c'est sur l'histoire que cette définition-là ou cette séparation-là en terrorisme, insurgé, s'efface. T'sais, les groupes de la sécession américaine ont utilisé des actes terroristes pour le faire. On parle d'eux comme des héros, des insurgés. Le terrorisme a été longtemps associé aux groupes d'indépendance en Amérique latine, en Afrique. Mais maintenant, on parle de lutte des peuples à l'indépendance. Puis, sur ça, je fais le parallèle avec ce qui se passe au Moyen-Orient-là. Est-ce que dans 100 ans, ça sera leur lutte de l'indépendance des pays Moyen-Orient? On parlera d'insurgés, de lutte et non plus d'actes terroristes. Je pense que c'est une question extrêmement intéressante, effectivement, parce que ça rejoint aussi je vais y répondre, mais dans un deuxième temps, ça rejoint aussi l'idée que je vous ai très peu parlé finalement du terrorisme d'État, en fait. Pourtant, le terrorisme d'État, c'est la définition originale du terrorisme. Le terme terrorisme, ça vient du latin terror, et ça a été utilisé pour la première fois pendant la Terreur française. On est dans la Révolution française, il y a un groupe d'individus qui prend le pouvoir finalement face au roi, et pour garder le pouvoir, ce qu'ils vont faire, ces gens-là, bah, c'est qu'ils vont appliquer ce qu'on appelle la terreur, et en gros ils vont guillotiner du monde à la coupe là. Ils vont emprisonner des gens, etc., etc. Ils vont diffuser, encore une fois, ils diffusent la peur pour que les gens s'opposent pas à eux. Mais ça, c'est les gens qui sont à la tête de l'État qui font ça. Donc la, le fondement du terrorisme à la base, c'est les gens qui sont à la tête d'un État et qui utilisent la violence pour faire peur à tout le monde, pour que personne ne s'oppose. Dans un deuxième temps, on a quand même basculé avec des groupes qui ont utilisé cette technique finalement de faire des actes violents pour distiller la peur et revendiquer des choses politiques. Et on a complètement oublié que les États utilisaient encore, et on a plein d'États qui utilisent du terrorisme en fait. Si vous êtes une dictature et que vous emprisonnez à la tonne des opposants politiques, que vous les tuez, que vous les assassinez, pour que les autres opposants politiques aient bien peur, vous faites du terrorisme d'État. Sauf qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est là où il y a une distinction qui s'est opérée finalement avec le qualificatif de terroriste pour qualifier justement ces groupes non étatiques qui utilisent ces moyens. Mais il y a aussi une reconstruction a posteriori effectivement de l'histoire où on pourrait qualifier de terroristes effectivement tous les groupes sécessionnistes américains, on pourrait qualifier de terroristes la résistance française pendant l'occupation allemande, etc., etc. Et peut-être que dans 100 ans, on aura plus de mal à qualifier les groupes par exemple palestiniens comme du terrorisme. Ça, c'est l'histoire qui lisse un peu. Néanmoins, moi, j'ai pas de problème à qualifier des actions des résistants français comme du terrorisme, encore une fois. Pour moi, le terrorisme, c'est une méthode d'action. C'est-à-dire que si vous êtes un résistant français et que vous commettez un attentat, je sais pas moi, en Allemagne, pour terroriser la population allemande en vue qu'elle fasse pression sur son gouvernement pour retirer l'Allemagne de la France, vous faites l'équivalent de ce que font les Palestiniens en Israël. Donc, vous faites du terrorisme, en fait. Dans ma bouche, et c'est là où il y a une différence dans ma bouche de chercheur et dans la bouche plutôt des gens lambda, c'est que moi, ça n'a pas une connotation négative, le terme terrorisme, en fait. Pour la plupart des gens, être qualifié de terroriste, c'est quand même le truc le plus infamant possible, etc., etc. Moi, je le vois vraiment comme, encore une fois, une définition très scientifique qui n'est pas forcément l'utilisation générale que les gens en font, mais pour moi, c'est vraiment un moyen d'action. Le moyen d'action que j'ai défini, c'est ça qui permet de qualifier de terrorisme un groupe en tant que tel. A posteriori, on pourrait, et c'est pour ça qu'il y a des événements qu'on qualifiait pas forcément de terrorisme, mais qui peuvent a posteriori être qualifiés de terrorisme. En fait, Marc Lépine, à l'époque, on l'a pas du tout pensé comme du terrorisme, alors que regarder rétrospectivement, pour moi, ça rentre dans du terrorisme. Cet individu-là a commis une action violente, il avait une cause politique, même si elle n'était pas forcément ultra articulée, il y avait un fondement politique à son geste, et surtout, il y avait cette idée que lui voulait vraiment, encore une fois, il savait que son action allait causer de la peur, allait en tout cas causer une déstabilisation sociétale. Donc c'est vraiment en sorte là. Mais pour moi, c'est la question la plus intéressante dans le terrorisme, c'est de voir comment ce concept est très difficile à cerner, à quel moment on l'applique sur des groupes, à quel moment les groupes finalement sont plus du tout qualifiés de terroristes. Qui sait que ça sert aussi, parce que il y a tout un tas d'individus que ça sert parfois de qualifier d'autres groupes de terrorisme ou de terroristes. Il y a une dimension politique, encore une fois. Ça, c'est le côté assez fascinant, en fait. Puis j'ai bien hâte d'être dans 40 ans pour voir qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui du terrorisme, comment ça sera interprété dans 40 ans. En fait. Mais c'est pour ça que c'est mon dernier commentaire, je voulais séparer les autres, je vais vous citer. Mais là, évidemment, généralise, on ne peut pas l'appliquer à tout ça, mais moi, j'ai l'impression que la définition de terrorisme, la plupart du temps, est utilisée quand c'est contraire aux actions de l'État. C'est-à-dire que quand, puis c'est pour ça que l'histoire après ça, maintenant, on pourrait pas qualifier les sécessionnistes ou la résistance française, parce que c'est sexy, là, de, tu sais, qui va être contre le résistant français en France, tu sais, c'est... Ouais, tout à fait. Mais, ou un type de sécessionniste, on va mettre... c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, puis surtout que j'aime votre définition de moyen d'action, mais que présentement, c'est quand les intérêts de l'État sont touchés, il y a une action qui est venue, là, on va utiliser le terme, mais... Évidemment, qu'il faudrait l'utiliser dans un contexte plus théorique, ça se fait comme vous. Mais je suis d'accord parce que, mais il y a aussi, on peut comprendre pourquoi il est utilisé de cette façon-là, c'est qu'on est dans des sociétés qui acceptent de moins en moins la remise en cause violente de l'ordre établi. Autrement dit, en fait, il y a de plus en plus de choses qui sont englobées dans le terrorisme parce que il y a 40 ans en arrière, ça pouvait être comme toléré, encore une fois, je dis toléré avec tout un tas de guillemets, de mettre une bombe contre une grande entreprise. Privé ici au Canada pour dire qu'on s'oppose au capitalisme. Aujourd'hui, si on fait ça, c'est tout de suite qualifié de terrorisme. En fait. Donc on a comme une restriction de la définition du terrorisme qui fait qu'effectivement, ça tend à qualifier de plus en plus de choses qui sont finalement de la rébellion contre l'État ou contre l'ordre établi. Et pour moi, le danger, c'est qu'on a actuellement, même y compris dans les chercheurs, La première dimension, la violence, en fait. La violence, c'est quand même un truc assez subjectif. Et ça évolue toujours dans les termes de société. Aujourd'hui, est-ce que mettre deux fumigènes dans le métro de Montréal, c'est qualifié comme de la violence? Mais c'est là tout le débat qu'il y a eu pendant la grève étudiante avec cet événement-là, de qualifier est-ce qu'on avait affaire à un événement terroriste ou pas. Moi, absolument. Pour moi, non, là, on est pas. Faut quand même relativiser la violence, là, entre la violence contre les biens et la violence contre les individus, c'est pas la même chose. On est là pour des bonnes. Mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est comme. On est en train de glisser sur la violence parce que la violence, c'est comme un truc tellement subjectif en soi que ça évolue aussi. Notre sensibilité à la violence, c'est plus la même. Et surtout, la façon dont c'est vécu, c'est plus du tout toléré. Mettre des fumigènes dans le métro il y a 30 ans pour contester, ça aurait été un truc qui serait passé comme un fait divers, etc., etc. Aujourd'hui, c'est tout de suite qualifié d'acte violent et potentiellement d'acte terroriste, en fait. Donc, il y a comme un glissement qui s'opère, effectivement, avec l'idée que toute forme de contestation qui n'est pas légale de l'ordre établi, autrement dit, les élections, même les manifestations, ça devient plus compliqué, mais en tout cas, les élections, toute forme de contestation non légale va forcément être disqualifiée et potentiellement, bah, du coup, qualifiée de terrorisme. Donc, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, c'est pas... En fond, moi, c'était pour revenir sur par rapport aux médias. Je me demandais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Là. Je vais vous le dire. Non. J'ai l'impression que le gouvernement conservateur est un peu d'accord avec la médiatisation des groupes terroristes parce que, bon, on sait qu'il aime beaucoup investir au niveau militaire. J'ai l'impression qu'il sert de médiatisation afin de promouvoir ses bons investissements au niveau militaire. Oui, il y a des choix. Tout gouvernement a des choix idéologiques, en fait. Et si vous étiez... investir dans le militaire ou investir dans la sécurité, c'est un choix idéologique en tant que tel, en fait. Mais comme investir dans la santé, il pourrait très bien... On va faire un exercice un peu de pensée mentale, là, mais si vous étiez un gouvernement pro-santé, c'est comme votre idéologie, c'est comme d'investir dans la santé. J'ai mis, je dirais, tant mieux. Je suis sûr que le gouvernement pro-santé manipulerait les médias de la même façon que le fait le gouvernement conservateur, mais pour asseoir son discours pro-santé, en disant quand même attention, on manque d'infrastructures de santé, on manque de personnel de santé, etc., etc. Il faut absolument investir, sinon ça va être la catastrophe, etc., etc. Ça justifierait l'investissement, en fait. Sauf que là, ça se passe pas du tout dans le même domaine. Aujourd'hui, ça se passe plutôt dans le domaine de la sécurité et du militaire. Donc le gouvernement, finalement, utilise effectivement la médiatisation de ces phénomènes-là, et va effectivement pas s'opposer, va pas du tout dire moins de médiatisation, on en parle beaucoup moins, etc., etc. Mais va au contraire dire, ben, nous, voyez, on agit, puis ça, en coulisses, ils disent ça nous sert bien, parce que finalement, c'est déjà notre concept idéologique, et déjà d'investir plus dans la sécurité, plus dans le militaire. Donc finalement, le fait que les médias en parlent plus de cette menace-là, ben, ça fait comme ça nous donne une opportunité finalement de montrer qu'on agit, et ça renforce même notre orientation idéologique, en fait. Donc ils surfent sur les médias et sur la façon dont les médias traitent le terrorisme, en fait. Et même s'ils savent que le fait qu'ils en parlent plus, ça augmente. Oui, mais vous savez, je vais peut-être être un peu cynique là, mais les gouvernements, leur objectif principal, c'est de se faire réélire, en fait. Alors ça justifie pas tout, mais ça justifie beaucoup de choses, en fait. Et la politique, ça peut être noble, l'engagement politique, mais rendu dans la politique partisane, il y a tout un tas de calculs stratégiques, en fait. Et les gouvernements au quotidien, en fait, n'ont pas grand-chose à faire que ça produise plus de masse, parce que d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'ils le savent en tant que tel, ou je ne suis même pas sûr qu'ils en soient conscients, en fait. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles ils ne sont pas forcément conscients, même y compris dans ce qu'ils avancent. Donc, Moi, je vais quitter, mais merci beaucoup. Merci.